Grande traversée, Fernand Braudel, l'historien monde, par Philippe Petit. Je crois que la France n'a pas eu la place éminente que les historiens d'autrefois lui reconnaissaient ou cherchaient à lui attribuer, et qu'elle se trouve en position, je dirais, mineure par rapport à l'ensemble de l'Europe et par rapport à l'Europe la plus vivante, c'est-à-dire soit l'Europe d'Italie, soit l'Europe des Pays-Bas. La Méditerranée et l'Atlantique. Sur l'Atlantique, elle aura sa revanche, mais je dirais un peu tardive. Elle n'est pas prise de plein fouet par l'essor économique de l'Europe. Le roman de la France. C'est un curieux paradoxe de parler du roman de la France à propos du dernier livre de Fernand Braudel intitulé « L'identité de la France » paru en 1986. Le pape des historiens, comme on disait alors, récusait le récit et se méfiait de l'intrigue au point de ne voir en eux qu'événements sans importance et prétexte à la facilité. Pour ne pas trop céder au plaisir de voir et raconter, je me bornerai à deux voyages, prévient-il, avant de nous rappeler l'importance stratégique de Metz et de nous conter le siège de Toulon qui dura quelques jours de l'été 1707, du 26 juillet au 24 août précisément. Alors, entrepris au soir de sa vie, avec la claire conscience que le temps lui était compté, l'identité de la France est restée inachevée. Elle devait, selon son auteur, constituer les assises véritables du destin de la France. Ces assises se nomment unité et diversité, et ce destin s'appelle l'histoire. Car si Braudel contestait l'histoire événementielle, il croyait à une certaine logique des nations. Après celle de Jules Michelet, dit 1798-1874, et celle de notre instituteur national Ernest Lavis, 1842-1922, l'histoire de France de Braudel fait cependant figure d'histoire trouée. Le principe d'incertitude en gouverne parfois l'orientation. Pour une possibilité accomplie, 100 000 se sont évanouis et certaines innombrables ne nous apparaissent même pas, écrivait Braudel en 1950 à propos de l'histoire économique. Il tient le même discours dans son livre sur la France. Voilà ce qu'il dit. Rêver d'un autre destin de la France, c'est essayer de comprendre celui que l'histoire lui a réservé. Rêver d'un autre destin. C'est donc réécrire le roman national et se laisser surprendre par les possibilités enfouies autant que par l'histoire accomplie. C'est aussi interroger le rôle de la géographie, de la ruralité, des frontières, de l'État, de la colonisation, du racisme, etc. vis-à-vis de cette passion exigeante et compliquée que nourrissait Braudel pour la France. Ce matin, nous allons débattre avec trois historiens de ce monument inachevé, l'identité de la France de Fernand Braudel. Et Dieu sait si l'identité, comme disait Wittgenstein, est le diable en personne, est d'une incroyable importance. Bonjour messieurs, bonjour Marc Ferraud, bonjour Nicolas Offenstadt, bonjour Jean-Pierre Rioux. Alors vous voyez, nous commençons par le destin de la France et de cette question qui est sous-jacente à l'identité nationale, qui est celle du roman national, c'est-à-dire comment raconter l'histoire de France. Parce que quand on se pose cette question, on voit immédiatement le problème des méthodes historiques se mettent au travers de notre chemin, parce que raconter l'histoire, justement, et notamment l'histoire de France, ce n'est pas forcément évident, Marc Ferraud. Oui, et j'ai eu le privilège de savoir, par Braudel lui-même, comment il allait construire son histoire de France. Le résultat ne correspond pas d'ailleurs au projet qu'il m'avait indiqué, sauf en partie. Il m'avait dit, tu vois, il faut mettre fin aux légendes. Bien sûr, il faut les reprendre puisqu'elles font partie de notre héritage. Les critiquer s'il le faut, mais il faut voir les choses autrement. Moi, je me dit-il, je vais prendre chacune des sciences sociales et passer le passé du pays au travers de chacune de ces sciences sociales. Donc je verrai l'histoire de la France au travers de la géographie, au travers de la démographie, au travers de la sociologie, au travers des idéologies, et j'aurai chaque fois des regards totalement différents de la même histoire, et je conclurai ensuite par l'identité de la France. D'où l'apparition d'un nouveau vocabulaire. Et d'une nouvelle manière d'aborder le passé des sociétés. Alors, parmi ce nouveau vocabulaire, infrastructure, superstructure, on parle plus comme ça aujourd'hui. Non, ça, c'était pas son langage à lui. Son langage à lui, c'était longue durée et événements courts. C'était éventuellement stratification de temporalité. Comment l'économie, en quelque sorte, fonctionne à une certaine vitesse de l'histoire. Comment la politique va à une vitesse beaucoup plus grande. Et comment interfère les différents rythmes historiques que les hommes incarnent. C'était plutôt ça, son problème. Mais ce que l'on observe, c'est que il avait ce projet quelques années avant sa mort, il s'est vu mourir et il a voulu tout de suite faire un premier volume sur l'identité qui était donc en quelque sorte une pré-conclusion de ce qu'il n'a pas fait, sauf quand il a fait la géographie, qui est le premier volume, n'est-ce pas ? Et quand il avait fait aussi l'étude des pratiques quotidiennes dans l'histoire du capitalisme. Comment vous avez reçu le livre à l'époque, Marc Ferraud ? Alors moi je l'ai reçu, je dirais, de façon critique. J'avais été un admirateur 100% de la Méditerranée. Ce livre avait été ma vie. Je veux dire que c'était une nouvelle vision de l'histoire. Et je voyais dans ce livre une retranscription des méthodes de la Méditerranée appliquées à la France. Et je me disais, ça va pas. Ça va pas, me disais-je, dans ma vanité enfantine. Ah bah, pas tout à fait enfantine. Hein. Non, mais si, quand même, j'avais... Ça va pas parce que... Ah, c'était l'aîné, c'est sûr. Nous vivions des drames. J'avais vécu en Algérie, comme lui. Je voyais la montée de l'islam. Lui, Alger, vous, Oran. Voilà. Comme professeur, l'année comme l'autre. Comme professeur. Mais pas à la même époque. Je voyais les drames de l'histoire qui se développaient. Et dans la façon dont il prétendait aborder... les stratifications et les axes de recherche de l'histoire du passé, je ne voyais pas les passions. Je ne voyais pas les passions et je sentais la passion autour de moi. Que ce soit l'anticommunisme ou le pro-communisme, que ce soit l'islam ou pas l'islam, je ne voyais pas comment ça allait interférer avec ce livre. Or, le premier aborde ce problème. Mais il l'aborde par d'autres biais que mes amis vont commenter, j'imagine. Jean-Pierre Youx. Oui, pour ma part, ce qui m'a toujours intéressé dans l'identité de la France, effectivement, livre inachevé, on peut discuter jusqu'à demain matin le plan qui est quand même tout à fait boursouflé, compliqué, et notamment les usages, on en disait un mot à l'instant, d'infrastructure et superstructure dans le troisième volume, hein, sur les hommes et les choses, tome 2, qui est quand même une vraie question, puisqu'on arrive au fond à une définition du capitalisme au terme du sous-chapitre des superstructures. Enfin, y a quelque chose là qui, pour le lecteur un peu raisonnable et cartésien, fait question. Non, moi j'ai toujours beaucoup aimé ce livre, même si, je dirais, à l'époque, moi j'étais historien du contemporain, tournant plus dans des eaux d'histoire politique et culturelle, ayant longtemps travaillé avec René Raymond, etc., etc. Ce qui m'a toujours fasciné, c'est que c'est à la fois du Brodel, en ce sens que il le dit lui-même dès l'introduction, n'est-ce pas ? Je me permets de citer quelques mots et qui sont pour nous historiens tout à fait cardinaux. Je ne crois pas, je le répète, à une essence de la France. Je ne crois à aucune formule simple. Je me propose seulement de mener une enquête raisonnable, étrangère à tout a priorisme, en gagnant successivement, Marc vient de le rappeler, plusieurs observatoires connus, etc. Et en même temps, c'est un livre plein de brodel lui-même, puisque le jeu intervient constamment. Ça frappe tout lecteur. L'exergue est à ma grand-mère, Émilie Corneau, lumière de mon enfance. Bon, ce qui n'est pas rien dans un livre d'histoire, finalement. Et surtout, et alors pour le coup, moi, historien plus du contemporain que de la très longue durée brodélienne, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que d'entrée de jeu, il y avait sur cette question de l'identité dont on peut parler jusqu'à demain matin, ou du roman national dont on peut également débattre très longuement, je dirais cette perception de Brodel plus jeune en 1940 que cette histoire-là, elle est faite de déchirures du temps et de déchirures même, je dirais, de ce que on pourrait considérer comme étant la vocation, hein, avec beaucoup de guillemets, de la France, parce qu'il y a l'été 40 dans tout ça. Et donc, puisque nous sommes à un moment d'anniversaire de cet été 40, ah oui, on sera pas loin. 60, dès l'introduction, 70. Il rappelle, au fond, même si en gagnant mon naufrag, n'est-ce pas, de prisonnier de guerre, quelque part entre, en me mettant en marche quelque part entre Sedan et Dunkerque à l'été 40, bien sûr, je savais peut-être que j'allais faire et rédiger dans mon naufrag la Méditerranée, tout le monde est d'accord, mais en même temps, je commençais à être hanté par ça, par la France, son identité, peut-être son destin, je n'en sais rien, mais... Par les déchirures de la France. Et dit ceci, nous marchions, nous les vaincus, sur le chemin injuste d'une captivité ouverte d'un seul coup, nous étions la France perdue, comme la poussière que le vent arrache à un tas de sable. Hein, c'est pas la vraie France, attention, la vraie France, la France en réserve. Alors en réserve de quoi? En réserve de longue durée? En réserve d'espace mondial? En réserve de quoi? De Méditerranée, je ne sais. La France profonde restait derrière nous. Elle survivait, virgule, elle a survécu. Moi j'ai toujours beaucoup aimé cette espèce au fond d'hésitation brodélienne, parce que également sur le mot identité. Et là encore, dernière citation, il dit dès l'introduction, le mot m'a séduit, mais n'a cessé des années durant de me tourmenter. Donc moi, ce que j'ai surtout aimé dans ce livre, c'est au fond l'écartèlement brodélien qui le reflète sans doute. Je m'en réjouissais puisque j'étais de ceux qui considéraient que le mépris brodélien pour une tel type d'histoire politique qu'il appelait obstinément événementiel ne nous allait pas du tout, n'est-ce pas? Nous n'étions pas, je dirais, comme marque de la mouvance directe des annales. Et là, ça brusquement, pour quelqu'un comme moi, comme un jeune historien que j'étais à l'époque, ça a été, je dirais, un intense moment de sympathie avec Brodel, que pour ma part je n'avais jamais fréquenté par ailleurs, et dont j'avais toujours eu que des échos, je dirais, de personnages un peu autoritaires, menant sa barque, ses affaires et sa conception de l'histoire. Alors on pourrait presque coupler identité et destin, Nicolas Offenstadt. Oui, je voulais rebondir sur un certain nombre de points que vient d'énoncer justement Jean-Pierre Rioux. D'abord, effectivement, c'est le dernier livre de Brodel, et ce qui est frappant aujourd'hui, c'est à quel point il est dans le livre, c'est-à-dire à quel point il y a des annotations personnelles, et même pour un historien, des choses qui sortiraient même, si vous voulez, du travail ordinaire. Il évoque énormément de souvenirs personnels, des souvenirs de voyage, des rencontres, des discussions, et des discussions à la limite de bistrot. Alors évidemment, il en fait des choses tout à fait savantes et intelligentes, mais si vous voulez, c'est vraiment livre qui est à la fois un livre d'un historien et un livre d'un personnage aussi. Il raconte même comment il plante un arbre et comment ça le fait réfléchir à la frontière. Donc il y a cette dimension personnelle, je crois, qui est très importante aussi dans ce livre. Et du coup, peut-être que ça nous amènera tout à l'heure à discuter aussi des enjeux idéologiques, peut-être beaucoup plus que dans un certain nombre de livres qu'il avait écrits auparavant. Deuxième remarque peut-être sur le contexte de parution. C'est un Brodel, quand ce livre est publié donc dans les années 80, qui a déjà été très médiatisé. Donc c'est un livre qui s'adresse sans doute à un public aussi beaucoup plus large que celui des historiens. D'ailleurs, quand vous le lisez, c'est extrêmement plaisant à lire, ça se lit très bien, il n'y a pas besoin d'un investissement intellectuel extrêmement profond. Donc il faut aussi imaginer donc cette double réception, à la fois un personnage qui est très présent dans son livre, avec des enjeux idéologiques sur lesquels on reviendra, adressé à un public sans doute extrêmement large, et peut-être avec des enjeux là aussi un petit peu à déchiffrer. Troisième mot, je crois que Jean-Pierre Rioux a parfaitement raison, c'est un livre qui est assez ambigu, et à mon avis, il faut le déchiffrer. Son rapport à la France n'est pas clair et pas simple. Son rapport aux notions qu'il emploie, il le dit lui-même, n'est pas simple. Il est parfois extrêmement ambigu sur un certain nombre de positions idéologiques. Donc c'est un livre, je crois, qui mérite vraiment d'être décrypté. Et juste pour finir sur ce point de la personnalité de l'auteur, il commence quand même, pour un grand historien, le pape de l'histoire, comme vous le disiez tout à l'heure. Moi, j'ai un souvenir frappant, c'est que je crois que c'était mon premier cours d'histoire à l'université. C'était le jour de sa mort. Et donc on a annoncé le pape de l'histoire est mort. Et donc évidemment, pour nous, c'était absolument frappant. Je ne savais rien de Brodel à l'époque, j'étais en première année. Et d'ailleurs, du point de vue de la génération, c'est assez intéressant, parce que sans doute, à la différence de Marc Ferraud et de Jean-Pierre Rioux, ma génération d'historiens, je dirais les cadras, a été élevée sans doute dans un rapport beaucoup plus critique à Brodel et à un certain nombre de ses concepts que d'autres générations, forcément, qu'il avait connues différemment. Et donc, juste cette première phrase pour montrer à quel point ce livre, finalement, pose des questions très personnelles aussi sur les engagements de Brodel, c'est les premières lignes. Je le dis une fois pour toutes, j'aime la France avec la même passion, exigeante et compliquée que Jules Michelet, sans distinguer entre ses vertus et ses défauts. Donc vous voyez, pour une première phrase d'un livre d'histoire, c'est évidemment une forme de manifeste aussi qui va tout de suite poser des questions qui dépassent la science historique. Je peux rappeler aussi la phrase de Peggy qu'il cite, hein, « Regardez la France comme si on n'en était pas ». Oui, mais ça, c'était la Méditerranée où il avait justement adopté une attitude inverse de celle qu'il a dans ce livre. Dans la Méditerranée, au fond, il a fait des sciences naturelles, des sociétés humaines. Les rapports entre la ville et la campagne, les rapports entre, etc., etc. Et lui, il était toujours à l'extérieur. Au fond, c'était une sorte de Buffon qui examinait tous les problèmes qui se posaient en Méditerranée. C'était un inventaire des problèmes, chaque problème étant abordé avec le génie de la plume et le talent qui est le sien, mais c'était en quelque sorte quelque chose à quoi il était étranger, alors qu'il aimait la Méditerranée, il y avait vécu, il connaissait le monde parfaitement, mais il n'entrait pas en scène. Dans ce livre, c'est l'inverse. Il entre en scène complètement, mais avec les méthodes de la Méditerranée. C'est là que c'est ce qui crée l'ambiguïté de ce livre. Oui, mais Marc Ferraud, il entre en scène et Nicolas Hoffenstadt a souligné l'engagement personnel de l'auteur. Bah, prenons, c'est vrai, le chapitre sur le racisme, par exemple, dans l'identité de la France. Il se fait historien du temps présent. On n'est pas très loin de la marche des beurs. Il cite ses propres réactions lorsqu'il prend le taxi. Il cite un article de l'événement du jeudi. Il cite une altercation qu'il a eue avec un jeune noir dans la rue et qu'il brutalise quelque peu. C'est peut-être pas pour vous déplaire, ça, Marc Ferraud, cet engagement personnel. Ça ne me déplaît pas du tout. Mais est-ce que c'est de l'histoire ? Bien sûr que c'est de l'histoire. C'est l'histoire. L'histoire du temps présent, alors. Non, c'est pas l'histoire du temps présent, parce que justement, lui, il cherche l'enracinement de nos comportements du temps présent. Mmh. Et donc, le présent qu'il invoque le sert toujours à voir le passé de ses problèmes et comment ils sont nés en France. Il n'y a pas de doute que, par exemple, sur le problème des immigrés, il y a eu des livres qui montrent que la xénophobie est née au XVIe siècle avec les Italiens, mais c'était des riches, et puis au XIXe, c'était des pauvres, et puis il y a eu les Belges, puis il y a eu les Polonais, puis etc., etc., etc. Donc, chaque fois qu'il aborde un problème, c'est pour l'enraciner. Et c'est ça, c'est donc pas l'histoire du présent, c'est l'histoire du présent comme bilan d'une longue histoire. Non, je pense qu'il faut revenir un peu à la place du livre dans la carrière et la vie de Fernand Braudel. Il est clair que l'identité de la France est une opération aussi largement médiatique, n'est-ce pas? Braudel est à la retraite depuis 1972, je crois. Il a sa réputation, mais il n'est pas assez proche, peut-être, des lecteurs, du monde des médias, de l'audience que à l'époque l'histoire conquiert. N'est-ce pas? Après le roi Ladurie, après Jacques Hesselias, après Jacques Le Goff, etc. Et donc, avec parfois des malentendus. Des malentendus, bien sûr. Montaillou de le roi Ladurie. On est dans une grande période d'histoire conquise par les médias. Je suis permis d'expliquer ça naguère. C'est un peu significatif. Le roi Ladurie faisant un papier sur l'identité de la France, titre dans l'Express, Braudel rentre au pays. N'est-ce pas? Bon. Flammarion, éditeur, fait une petite brochure, n'est-ce pas, sur l'œuvre de Fernand Braudel. La quête de l'homme de cœur autant que celle de l'historien. Bon, c'est la recherche de proximité. Avec qui? Avec les jeunes, avec la France, avec je ne sais quoi. Bon. Et alors, les interviews d'accompagnement, vous aviez cité l'entretien de l'événement du jeudi, n'est-ce pas? Tout à fait étonnant. Et il fait une interview avec Albert Duroy dans l'événement du jeudi, où là, vous trouvez, où on retrouve alors là des affirmations tout à fait incroyables. Je ne tolère pas les intégristes, la culture qui éclate dans toutes les directions pour donner satisfaction aux uns aux autres, alors je suis contre, nous sommes là pour veiller à ce que va devenir l'Europe. Êtes-vous nationaliste? Non, bien sûr, mais je l'ai été. Parce que je suis du Barrois, après tout. Et alors l'État, c'est la cata. C'est la catastrophe, n'est-ce pas? Que l'État nous laisse tranquille. À mort la fiscalité, dit-il. Albert Duroy. Alors Albert Duroy, qui j'aime la décentralisation, mais j'en ai peur. Enfin, tous les thèmes contemporains qu'il n'analyse pas et qu'il ne prend pas avec les outils de l'historien du contemporain ou du temps présent. À l'époque, on était sur le chantier, nous tous, n'est-ce pas, pour essayer de fabriquer quelque chose de cohérent sur ces questions-là, avec les sociologues, avec les ethnologues, avec les économistes, qui on veut. Et là, il y a un brusque décrochement de Braudel, pas par rapport au monde contemporain, à son monde, n'est-ce pas, parce que c'est une opération, je crois, aussi de, disons les choses très simplement, de glorieuse promotion de Fernand Braudel, et il l'a mérité ô combien, mais en misant uniquement, et Marc Ferraud l'a rappelé à l'instant, en misant uniquement sur, son acquis, son passé, c'est comment on adapte des notions aussi compliquées et douteuses d'identité de la France, les deux mots. Il dit pas identité française, hein, ni identité nationale. Il dit identité de la France. Il met les deux mots en regard, hein. Il ne qualifie pas l'un par l'autre, hein, au contraire. Mais il ne peut le faire, et c'est ce qu'on lui demande d'ailleurs, que dans un élan de sympathie envers ses lecteurs, au nom de, au fond, de la longue durée de la Méditerranée. D'où le plan un peu complexe, et d'où l'obsession de la géographie, l'obsession du bourg, l'obsession de la temporalité, du peuplement, n'est-ce pas, dans l'identité. Oui, non, le plan est quand même dû aussi et beaucoup. C'est inachevé. À la précipitation. Bien sûr. Un homme qui sent qu'il va mourir dans les 2-3 ans et qui a une grande idée en tête. Il est obligé de procéder par syncope et de dire les choses essentielles qu'il voulait dire en passant par un parcours qui n'était plus du tout ce qui était le sien autrefois dans l'histoire du capitalisme ou dans l'histoire dans l'analyse de la Méditerranée. C'est un livre tout à fait inverse. On ne sait pas trop quel est le volume clé pour lui, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est celui sur l'espace et l'histoire, la géographie, ou est-ce que c'est celui sur, je dirais, le peuplement, ou est-ce que c'est celui sur le développement de l'échange entre les gens ? Nicolas Funstadt. Ce qui est frappant pour aller dans ce sens-là, effectivement, c'est un Brodel très personnel et effectivement très idéologique ou nostalgique, parce que si on regarde quand même tout ce qui entoure ce livre, qui est encore une fois riche de mille choses, mais il y a quand même une forme d'idéologie de l'enracinement que justement Marcel Détienne. Mais en tout cas, il est lui. Et notamment, il dit ça, ce qui est étonnant, pour, comme l'a rappelé Marc Ferraud, pour un historien effectivement de la Méditerranée, il dit finalement en introduction, l'historien n'est de plein pied qu'avec l'histoire de son propre pays. Oui. Ça, c'est quand même une phrase. Hein, qui est... C'est un a priori. C'est un a priori. Pas une idéologie, mais un a priori, à coup sûr. L'idée que pour écrire l'histoire d'un pays, finalement, il faut quand même enraciner. Et moi, ce qui m'a frappé en relisant la conclusion aussi pour l'émission, notamment, c'est à quel point, finalement, il y a une nostalgie du monde rural, de sa grand-mère que vous évoquiez, c'est-à-dire l'idée qu'il y a eu un moment où le monde rural pouvait souffrir, mais accepter ses souffrances, on était capable d'endosser les conflits et de supporter. C'est vraiment une ode nostalgique, hein, à la France rurale. Je ne sais pas si c'est d'avant 14 ou de l'avant 45, mais en tous les cas, si vous voulez, c'est un livre qui est très ancré, hein, à la fois dans cette nostalgie d'une France qui, je ne sais pas si elle a existé, mais en tous les cas, que Brodel cherche à définir, et aussi dans une forme quand même d'idéologie du racinement, qui est assez frappante dans cette introduction et qu'on va retrouver tout au long du livre en certains moments. Alors toujours, et ça je crois que c'est important, avec des ambiguïtés, parce qu'évidemment Brodel est d'une grande finesse, donc il se reprend lui-même, il se rattrape, il dit identité, puis non, il dit essence, mais pas vraiment, frontière naturelle, j'y crois un peu, mais pas complètement. Donc c'est aussi un livre qui fait, d'ailleurs comme l'œuvre de Brodel, hein, qui est souvent moins théorique qu'on ne croit, et aussi faite parfois de plein de petits bouts de ficelle qui tiennent pas toujours très bien ensemble du point de vue, disons, de la cohérence intellectuelle complète. Alors, il y a un retournement sur lequel je voudrais insister, comme dit Funstadt, il faut rappeler un peu ça. Naguère, dans les années 60, quand je l'ai connu, et quand la première génération l'a connu, enfin, c'était pas le roi du riz, c'était les villes au boyer, c'était Chaunu, etc., etc., il était clair à l'écouter qu'un historien doit s'éloigner le plus possible de sa propre perception de l'histoire et de sa vie, qui ne doit pas du tout lui servir de clé. Et moi, je me rappelle très bien que l'un prenait l'Atlantique, l'autre prenait la mer Baltique, le troisième prenait ce que l'on veut, n'est-ce pas ? Mais il ne fallait surtout pas faire interférer l'analyse scientifique des problèmes du monde avec une expérience personnelle qui introduirait une touche d'idéologie. Et je me rappelle très très bien une conversation très violente, mais amicale, qu'il a eue à propos de l'histoire des Juifs, de l'historien des Juifs, qui en a fait 4, 5, 6 volumes, et qui l'aimait beaucoup d'ailleurs, c'était Poliakov. J'étais là, et il lui disait, mais Léon, tu peux pas, toi qui es juif, ne parler que des Juifs, continuellement les Juifs, il faut sortir, il faut voir les Juifs de l'extérieur, et ne pas voir que les Juifs, les comparer à d'autres que les Juifs. Donc c'était l'extériorité de l'approche qui était le fondement de sa matière, sa manière, plutôt, autrefois. Et dans celui-là, c'est l'inverse. C'est à partir d'une intériorisation et d'une perception personnel, si je puis dire, de son propre passé à lui, de sa propre expérience. Et pour revenir à ce que disait Funstadt tout à l'heure, Jean-Pierre Rioux, concernant la naissance de la longue durée, il m'a dit, il l'a écrit aussi quelque part, que la longue durée lui est venue le jour ou au moment où il était prisonnier. Parce que quand il a été prisonnier, il s'est dit, oui, la France est foutue, mais la France est éternelle, on croirait du Maurras, n'est-ce pas ? La France est éternelle, et par conséquent, il faut attendre que ce mauvais moment passe, et elle retrouvera ses assises. Autrement dit, même, si je puis dire, ce qui est le fondement de ce qu'a été la qualité des ouvrages de Brodel, c'est-à-dire l'approche de la longue durée des phénomènes, c'est né de son expérience personnelle dans un camp de prisonniers. Je voudrais qu'on revienne un peu sur cette idée de ruralité, parce que finalement, est-ce que c'est une nostalgie du monde rural ou pas? Ça, c'est effectivement une vraie question. Mais cette idée s'articule avec celle du gouvernement de la France. Le passage sur le destin que je citais en exergue vient justement après une réflexion sur la France continentale qui n'a pas eu de véritable débouché atlantique, et il dit « le gouvernement de la France avait des yeux de terrien ». Il y a donc malgré tout un lien entre la formation étatique, entre la question de l'unité de la France et son rapport au monde rural pour Brodel. Oui, ben on est toujours dans les mêmes, non pas peut-être complémentarités ou contradictions, on donne le mot que l'on veut, de Brodel, en ce sens qu'il ne peut analyser et disséquer son objet, l'histoire de France, qu'en usant de ses propres concepts, de ses propres titres passés de gloire historienne, si je puis dire. Et donc là, pour l'histoire de France, à la fois il perçoit bien qu'il faut rechercher, au fond, cette éternelle histoire de en réserve, finalement, cette France profonde, il dit France profonde, mot d'une banale, d'adjectif d'une banalité que nous n'osons plus employer aujourd'hui, n'est-ce pas, bien sûr, en disant, en même temps, cette histoire de France, alors là je le cite encore, elle est en soi un admirable sondage, une mise au clair, au-delà de ses aventures propres, de la marche de l'Europe et du monde. Elle est réintroduite constamment, autant qu'il le peut, tout ce que la longue durée, les grands espaces, la Méditerranée, l'Atlantique, l'Amérique latine, que sais-je, lui ont appris. Au fond, quels sont ces concepts clés, ces peuplements et essor d'un échange économique, social, culturel entre humains. Le vrai vecteur, est maritime de tout ça, bien entendu. Et c'est, je dirais, la comparaison constante dans l'esprit de Brodel avec les Provinces-Unies ou l'Angleterre dans cette histoire de France-là, bien sûr. Oui, donc, enfin, sauf que la France n'a pas pris voilà, le Havre elle n'a comme pas capitale. Eu de vocation maritime, hein, donc, pas de vocation maritime. Donc elle ne colle pas tout à fait avec mon schéma, si je puis dire, ou avec mon concept ou ma vision des choses, juste ou pas juste, peu importe. Donc elle ne peut être que terrienne, finalement. Oui, c'est ça. Et elle ne peut avoir qu'une vocation continentale, hein, et impériale peut-être même aussi. Et alors là, ça donne deux ambiguïtés ou deux difficultés dans l'identité de la France, dans cette analyse très complexe, toujours très nuancée, bien entendu, et toujours mêlant les concepts les plus acquis et le jeu personnel de Brodel, bien sûr, l'idée qu'à la fois, il ne la définit jamais en a priori comme une nation, ça c'est une vraie question, et d'autre part, il ne définit jamais, ou il ne montre pas jamais assez concrètement, je dirais, l'effet de la construction de l'État sur le cheminement de l'identité du pays. Et là, évidemment, nous, historiens du politique, qui n'étions pas sur la même longueur d'onde, nous sommes méchamment beaucoup réjouis de voir cette hésitation, n'est-ce pas, sur l'État. J'ai trouvé des analogies entre la façon dont Brodel aborde l'histoire de la France, de notre pays, avec les écrits de Gaulle. Absolument. Mais le De Gaulle, disons, d'avant 40. Oui, mais De Gaulle à l'État. De Gaulle, il a l'État, mais indépendamment de l'État, les approches de Gaulle dans ses premiers écrits et dans la façon dont il est le prophète du futur, on pourrait dire que Brodel, c'est un peu les mêmes manières d'approcher l'histoire, mais dans le passé. C'est très curieux parce que on a bien lu De Gaulle, bien sûr, et on connaît ses points de vue, et notamment qu'il met l'État en tête alors que Brodel trouve qu'il y en a trop. Mais ça, ce sont, j'allais dire, des scories. Mais les approches sont quand même de même nature, n'est-ce pas ? Ils posent les mêmes grands problèmes que De Gaulle, qui dit très souvent, n'est-ce pas, que la France est un pays terrien et qu'il regarde avec méfiance ceux qui veulent des colonies, parce que c'est sur place que se trouve l'essentiel de la nation, etc. Et Brodel a un petit peu ce point de vue. Mais il ne le dit pas, il ne le sait pas, en gros, parce que je crois pas qu'il ait lu, il a lu Marx, mais il n'a pas lu... Il a pas eu De Gaulle. Et en conséquence, il y a des points communs dans leur approche, dans leur méthode d'approche, si je puis dire, de l'identité de la France. Nicolas Offenstadt. Oui, et cette question du rapport France-Monde, d'abord, il y a une part qui nous échappe, puisque le volume qui devait lui être consacré est inachevé, donc n'a jamais été publié. Ceci dit, on sent quand même qu'il y a ce repli vers la France et que le rapport Europe-Monde est compliqué. Il y a une citation qui a déjà été relevée avant moi, mais qui est un petit peu inquiétante sur ce rapport, peut-être un peu effectivement de repli sur l'identité France. Après avoir évoqué l'idée qu'il allait justement traiter des rapports de la France avec l'Europe, avec le monde, voilà ce qu'écrit Brodel dans l'introduction. Mais qu'il soit entendu que pour aucune nation, le dialogue obligatoire est de plus en plus pesant, donc notez l'adjectif, pesant, c'est pas évidemment très positif, et que le dialogue obligatoire est de plus en plus pesant avec le monde, n'entraîne une expropriation, un effacement de sa propre histoire. Comme si, malgré tout, il allait s'ouvrir, mais que le vrai fondement, c'était toujours de revenir à cette identité de la France au final. Et donc, il présente pas l'idée pour quelqu'un, pourtant, qui a été, comme l'a rappelé Marc Ferraud, dans des horizons extrêmement larges. Là, on a l'impression, du coup, qu'ils font peur, ces horizons. Et de même, vous voyez, comme une forme de repli ou d'inquiétude, et on le voyait de la même manière avec à la fin du chapitre sur l'immigration, ce qui effraie Fernand Brodel, c'est qu'une nouvelle guerre de religion. Il le dit texto à la fin du chapitre. Donc, vous voyez, on sent dans le rapport à l'extérieur comme une forme de tension inquiète qui n'est pas forcément toujours du meilleur à loi, même si encore une fois les choses sont compliquées. Et puis pour revenir sur ce débat... Mais dans ce pressentiment, non pas forcément d'une guerre de religion, mais disons d'une tension inter-religieuse, c'est pas totalement faux quand même, à l'époque où il l'écrit. Bah, écoutez, surtout encore plus à l'époque où il l'écrit, je crois que si vous voulez, c'est plus une inquiétude. Cette idée, vous le savez, de choc des civilisations, tout ça, est extrêmement discutable, discutée. Elle l'est. Et surtout, on aura l'occasion de l'aborder d'ailleurs. Donc moi, non, je crois pas du tout que ce soit une configuration qu'un historien puisse déceler légitimement. Et ensuite, pour revenir sur cette question, je voulais, puisque finalement c'est intéressant d'écouter les mots des historiens, juste vous lire aussi un passage pour sentir à quel point il y a une forme quand même d'enracinement de tout ce discours dans la France que nous avons perdu, comme on disait à l'époque, où on voyait effectivement, il faut imaginer aussi le contexte dans lequel de la France d'après 45, c'est une modernisation absolument inouïe. C'est vraiment un changement de civilisation, là, si on voulait reprendre un terme que Brodel aime beaucoup, peut-être trop. Et voilà ce qu'il écrit, donc, en conclusion de l'identité de la France. Sans doute, si vous vous retrouviez dans telle maison paysanne de l'époque de Raymond Poincaré, donc, disons, avant 14, vous livreriez-vous à d'amères considérations. Le travail de la terre était dur, sans fin, malgré une fausse liberté. On avait le choix, oui, mais entre des tâches pénibles. Toutefois, on vivait sans se plaindre entre soi, ni au sujet de la corvée d'eau, pas d'eau courante, la tirer du puits, la chercher à la fontaine publique, ni à cause de l'éclairage imparfait du soir, pas d'électricité, de la médiocrité des vêtements rarement renouvelés, ou de l'absence des commodités et distractions citadines. Chacun mangeait à sa faim grâce au jardin savamment cultivé, aux champs où les pommes de terre avaient trouvé place, aux conserves familiales de fruits et légumes, à la viande de boucherie du dimanche, aux cochons bénéfiques élevés à la ferme, tués et consommés sur place. Mon témoignage d'enfant attentif est-il valable ou celui de Jean Petit? Et il cite là toute une liste de témoignages comme pour montrer que même si c'est ressenti, c'est profond. Et ensuite, il vient vers la modernisation et juste deux lignes cette fois pour vous montrer cette inquiétude. Il n'est pas sûr que l'agriculture d'aujourd'hui, qui va dans le sens de la technique et de l'évolution des mœurs, soit partout la solution raisonnable. Donc vous voyez, là on le sent quand même dans une inquiétude et une nostalgie du monde rural. Alors toujours de manière évidemment intelligente et cultivée. C'est pas des jugements à l'emporte-pièce. C'est fondé à la fois sur son expérience personnelle et sur des lectures. Mais tout ça quand même est une tonalité, si vous voulez, qui est d'ailleurs fréquente à l'époque, de nostalgie d'un monde qui disparaît de fait ou qui a disparu. Mais est-ce que vous pensez pas qu'il y a une permanence un peu de ces tonalités? Par exemple, quand vous écoutez aujourd'hui le discours de la FNSEA d'un côté, les grands serrés alliés, et de l'autre le discours de la Confédération paysanne, vous avez si je puis dire, ces deux variantes. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ce sont des acteurs publics. Là, Brodel se prétend quand même, si vous voulez, donner un regard d'historien, comme vous le disiez tout à l'heure, Marc Ferraud, distancié. Et donc là, on a l'impression que cette distance, il n'arrive vraiment jamais à la tenir. Et il est toujours en tension entre une distance nécessaire, parce qu'encore une fois, c'est pétri d'intelligence et de culture, la question n'est pas là. Et en même temps, avec ce retour permanent à des formes d'inquiétude, d'enjeux politiques contemporains extrêmement forts et qui me paraissent extrêmement présents à le relire aujourd'hui. Le sentiment aussi du regret de ces structures qui disparaissent s'associe à une autre inquiétude qui est celle des Français depuis longtemps, disons au moins depuis Louis-Philippe. La France n'est-elle pas décadente dans toutes les formes de ses activités, même quand elles n'ont rien à voir avec le standing d'une grande puissance? La France n'est-elle pas décadente et ne courons-nous pas assez vite pour rattraper en quelque sorte cette décadence qui fait que c'est la grande époque du 18e, 19e, début 19e qui était celle où la France était rayonnante et qu'elle ne réussit plus devant la concurrence des autres ou le développement des autres à être à la page. Et c'est intéressant, si vous voulez, c'est ce point de vue qu'il peut avoir et que d'autres ont eu, parce qu'on voit que chaque pays a un petit peu cette, son idée fixe. La France, c'est cette décadence. C'est pas qu'il nourrit. C'est son idée fixe. Bon, en Russie, c'est la peur d'être en retard sur les autres. Les Allemands, c'est la peur de ne pas être unis. Chaque nation a quand même une forme d'identité ou de certitude qui incarne un peu le pays en question. Et vous pensez que Fernand Braudel était atteint de... Je pense qu'il était anxieux, justement, de la déchéance de l'État de son pays, bien sûr. Mais il n'y a pas que lui. Ça, c'est un trait national. Ce n'est pas un trait qui lui est propre, mais il l'a repéré par différents foyers. Jean-Pierre Rioux, c'est un trait national ? En tout cas, Braudel lui-même n'a jamais dit qu'il craignait une décadence de la France, qu'il y ait une inquiétude, c'est évident. Mais je reviens un instant sur la comparaison avec De Gaulle, parce qu'effectivement, on a quantité de remarques, de citations et de signes conducteurs dans l'identité de la France qui montent, et même à cette occasion-là, la plume de Braudel devient quasiment gaulienne, n'est-ce pas? Oui. Je ne prends qu'un exemple. Depuis cette époque déjà lointaine, nous sommes à la débâcle de 40, on y revient toujours. Je n'ai cessé de penser à une France en profondeur, comme enfouie en elle-même, n'est-ce pas, qui coule selon ses pentes propres de son histoire séculaire, condamnée à se continuer vaille que vaille. Ça, c'est du Gaulle, on est bien d'accord. Mais alors, la différence, c'est que De Gaulle, face à cette crainte, au fond, de la décadence, valorise toujours une définition de la France qui passe par la nation, puisque pour De Gaulle, de A à Z et jusqu'au bout, la nation sera le cadre vrai de la souveraineté. Et pas d'autre chose. La souveraineté est un mot qui n'existe pas dans l'identité de la France, je crois. Ou pratiquement pas. Il n'y a pas les volumes politiques aussi. Voilà, tout à fait. Mais là, c'est ça la question de fond. Il n'y a pas la nation, et De Gaulle croit à la nation, et il croit, du coup, à l'État. Bon. Et pourquoi pas, plus encore, dans le chef de l'État, qui est l'homme de la nation. Voilà. Et là, Braudel évacue toutes ces questions, à mon sens, ou trop facilement. Mais en projetant, de manière très ambiguë, qui pour nous aujourd'hui est extrêmement intéressante, dans l'identité de la France, moi j'aimerais bien que quelqu'un nous fasse vraiment l'étude de la notion d'Europe. Quoi. Parce que l'Europe de Braudel, telle qu'il l'a définie à ce moment-là, c'est au fond une Europe où au fond, la France a toujours son rôle comme au XVIIIe siècle, n'est-ce pas? C'est après la valorisation qu'il fait de l'action de l'école des hautes études en Pologne, n'est-ce pas? Qui est un passage tout à fait étonnant, en disant là, on a été vraiment européen parce qu'on a apporté la France à la Pologne. On a continué à apporter la France à la Pologne, finalement. On aime l'Europe que si on en est le pilote. Par exemple, oui, je sais pas. C'est à peu près ça, mais en même temps, du coup, ça donne un discours de Braudel qui, alors là, pour le coup, n'est pas gaullien du tout. Il n'y a pas de problème de rapport avec l'Allemagne, avec la Grande-Bretagne, etc. Toutes les questions que De Gaulle avait tant agitées. La racine de cette absence est un peu différente. Oui. Je pense que, en tant qu'un des fondateurs de l'École des Annales, toute cette histoire politique des rapports internationaux, etc., avait été évacuée de façon excessive, d'ailleurs, par aussi bien Marc Bloch que Lucien Febvre, ou lui-même, même s'il a étudié les rapports internationaux. Et sans l'avis de Marc Fayrault. Donc, ce que je pense, c'est que c'est un reste, je puis dire, de ce rejet qui fait que sur ces terrains, il les repousse et il n'est pas maître du système. N'est-ce pas ? Alors que sur l'économie, sur tout le reste, il maîtrise absolument tout. Mais sur le problème de l'État et de la souveraineté, ce n'est pas son truc. Parce que c'est ce que critiquait les annales, quand elles mettaient en cause une certaine forme d'histoire idéologique. Et là, il est à l'autre pôle. Pour toute sa vie, il était à l'autre pôle. Et là, il est obligé d'en reparler. Donc, il n'est pas chez lui. Marc Fayrault, j'aimerais qu'on aborde un point qui est celui de l'unité de la France. On l'a évoqué comme ça, de façon un peu en pointillé. Voilà ce que disait Fernand Braudel. Qu'à nos yeux, l'unité de la France, non pas bien entendu son histoire, ne s'affirme vraiment ni avec Jeanne d'Arc, ni même complètement avec la Révolution française, mais sans doute avec les tardives liaisons de chemin de fer en leur temps miraculeuses et avec l'extension de l'école primaire, cette thèse sans panache irritera plus qu'elle ne convaincra. Et pourtant, l'idée moderne de patrie apparaît à peine au XVIe siècle. La nation a connu sa première forme explosive avec la Révolution. Le mot nationalisme apparaît tard sous la plume de Balzac. Et alors, rien n'est encore vraiment joué. Est-ce vraiment une thèse explosive, Marc Ferro, à l'époque? Oh là là. Bien, moi, j'assume ce qui est dit en partie, notamment lorsqu'on évoque le fait que la nation apparaît explose et apparaît sous la Révolution française. Lucien Febvre a écrit une histoire de l'Europe, qui est très belle d'ailleurs, où il montre que avant la Révolution française, vers 1760-1789, par là, tout s'appelait l'Europe. Le courrier de l'Europe, la vie de l'Europe, etc. Et brutalement, avec la Révolution, c'est la nation qui remplace l'Europe. Il n'y a pas de doute que la nation a surgi à ce moment-là comme le dénominateur commun de tous les révolutionnaires, au moins. Bon. Alors, dire ensuite que c'est le chemin de fer, là, moi, je suis à la fois pour et contre. Je m'excuse, ça ne sera pas long. Je suis pour parce que j'observe qu'aujourd'hui, là, je vais faire de l'histoire politique présente, aujourd'hui, on démantèle tout ce qui faisait l'unité de la France. Avant, dans chaque petite bourgade, il y avait une ligne de chemin de fer. À la fin de Napoléon III encore plus et au début de la 4e République. Regardez la carte des chemins de fer en 1913. Pareil pour la poste. Pareil pour la poste, pareil pour les hôpitaux, pareil pour les écoles, pareil pour les collèges, etc., etc. On démantèle. Donc, il n'y a pas de doute que le chemin de fer a participé à une identité française qu'on démantèle depuis 3-4 décennies peut-être. Et ça s'accélère en ce moment. Bon. Mais inversement, j'observe aussi que c'est à partir du moment où il y a le chemin de fer qu'il y a eu des révoltes régionalistes, que ce soit en Languedoc, que ce soit en Bretagne, que ce soit dans d'autres régions, et il n'y a pas qu'en France d'ailleurs, en Russie aussi, c'est quand le chemin de fer a atteint Kiev que le nationalisme ukrainien s'est réveillé. Et chez nous, c'est les Bretons, et puis c'est d'autres. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas dire que c'est le chemin de fer qui a... Je serais plutôt du premier avis que ça a amené de l'unité, mais ça a en même temps montré aux gens que la centralisation les pompait. Et la centralisation, c'est quand même le drame de l'histoire de la France, puisqu'actuellement, c'est le seul pays au monde, la France, qui a une politique de décentralisation, mais qui est centralisée, puisque c'est le ministère de l'Intérieur qui décentralise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'une décentralisation qui émane du centre, n'est-ce pas ? Elle ne peut être que partielle et arbitraire et obéissant à toutes sortes d'objectifs. Nicolas Hoffenstadt. Oui, je crois que là, comme sur d'autres points, l'identité de la France et Brodel sont très ambiguës finalement. Je crois qu'il y a une forme de conviction qui sourd très fréquemment dans le livre que finalement il y a une forme de France depuis toujours. Il reprend pour la préhistoire une forme de néolithique nationale, expression qui reprend à Jean Guilaine, donc comme si déjà il y avait une préhistoire française qui évidemment quand même est éminemment discutable. Et puis dans son passage sur les frontières que vous évoquiez tout à l'heure, tout en montrant énormément de nuances et étant capable de évidemment de faire l'histoire à la fois de la notion de frontière et des frontières, il commence quand même comme ça en disant « La France a eu très tôt des frontières, elle a eu très tôt son logement » avant même d'exister de façon formelle. Donc vous voyez, il y a une ambiguïté. On a l'impression quand même, dans plusieurs passages des différents volumes, il y a toujours une France déjà là, malgré tout. Donc ensuite, il peut évidemment nuancer, dire que c'est le chemin de fer, on pourra rediscuter, si vous voulez, de la thèse. Mais malgré tout, il y a, en plusieurs passages du livre, cette France toujours déjà là, au néolithique, au gaulois, et là, des frontières, elle a eu très tôt son logement, comme si elle était toujours déjà là. Et ce qui m'a frappé, moi, du point de vue des références pour un homme des annales, c'est quand il veut justifier cette France toujours déjà là, il va chercher des vieux historiens du 19e siècle, que plus personne ne lit à l'époque, pour, en quelque sorte, trouver un interlocuteur qui revienne à cette vieille France. Et il va sortir l'histoire de France d'Henri Martin pour expliquer à quel point la France est déjà là à l'époque de la Gaule. Donc, vous voyez, il est capable d'aller chercher des références qui n'ont rien à voir avec toute l'histoire qu'il a faite, pour, en quelque sorte, s'inscrire dans un débat qui est celui de la continuité française, même si, encore une fois, avec beaucoup de nuances et d'intelligence, il y revient, parce qu'il sent bien qu'il y a des choses qui tiennent pas, mais malgré tout, cette France toujours déjà là, cette France essentialisée, bien qu'il s'en défende, et Jean-Pierre Rioux a rappelé la citation tout à l'heure où il dit « Je ne crois pas à la France comme une essence », elle revient toujours un petit peu par la porte de derrière, sous cette forme-là, notamment avec les deux exemples que je vous ai donnés. Nicolas Hoffenstadt, vous ne croyez pas que c'est justement le fruit de la tension entre l'espace et l'histoire, hein, il n'y a pas de connivence entre les deux, il y a une tension permanente. C'est peut-être plutôt l'espace qui est déjà là, ce qu'on appelle aujourd'hui le territoire, si vous voulez, ou les territoires qui varient évidemment en fonction, et d'autre part, la tension qui existe entre ce qu'il appelle l'identité et l'unité, parce que l'unité, ça c'est quand même très frappant quand il souligne plusieurs fois la question du destin de la France. L'unité, elle est pas gagnée d'avance. Hein. Il pratique quand même, il le dit lui-même en suivant Lucien Febvre sur ce plan, l'histoire possibiliste, c'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé, mais c'est quelque chose d'autre aurait pu se passer, Nicolas Hoffenstein. Oui, ce que vous dites est juste, mais là aussi c'est pareil, il commence en ouvrant de grandes discussions sur la diversité de la France, mais finalement pour dire à la fin que tout ça est très cousu ensemble par l'unité. Donc je crois qu'il y a une forme d'intelligence qui en permanence lui montre qu'effectivement la France est une construction beaucoup plus récente qu'on ne l'a dit, de briques et de brocs, et qu'il n'y a pas de France éternelle et pas de territoire éternel, je reviendrai sur cette notion, mais qu'en même temps il y a une forme de force, si vous voulez, intellectuelle, qui le pousse toujours à chercher des continuités extrêmement profondes et très très loin malgré tout. Et alors quand vous dites, moi je ne crois pas qu'il y ait territoire naturel ou que ce soit, les territoires c'est des constructions économiques, politiques, progressives, comme vous dites avec une part de hasard, et je crois que cette idée de toujours chercher des territoires originels, comme on le fait aujourd'hui pour l'Europe, en essayant de superposer la carte de l'Empire carolingien avec l'Europe de 56, ça, je crois que, si vous voulez, c'est des enjeux proprement idéologiques. On va chercher les origines territoriales qu'on a envie de trouver. Mais si vous prenez l'histoire de France de manière un peu sereine, on nous dit l'histoire aujourd'hui, par exemple, que, et d'ailleurs c'est dans les discours parfois de Sarkozy, à la sauce Guénaud, que l'histoire serait née au moment du traité de Troyes en 1420. Si vous voulez qu'on regarde ensemble une carte de France à l'époque, vous allez rigoler, il y a beaucoup de Français qui ne seraient pas là. Donc quand on nous dit que la France né au XVe siècle, ce serait une France qui serait sans le Hainaut, sans la Lorraine, sans la Provence, ou alors avec des liens extrêmement compliqués, etc., etc., avec des sentiments d'appartenance qui feraient rigoler tout le monde aujourd'hui. Tous les princes s'allient forcément avec les Anglais quand ça les arrange. Donc vous voyez, l'idée qu'on va trouver du sentiment national, une identité nationale, un territoire national au Moyen-Âge ou chez les Gaulois, sur le plan intellectuel, ça ne tient pas. Idéologiquement, on peut se construire le monde qu'on veut. Mais si on regarde les choses de manière tranquille, c'est pas comme ça que le monde fonctionne. Donc cette idée de territoire naturel, moi, j'y crois pas une seconde. Jean-Pierre Rioux. Moi non plus. Ah, ça c'était Marc Ferraud là. Mais Jean-Pierre Rioux. Moi non plus. Moi non plus. Non, je pense que Brodel, comme nous tous, dès qu'il aborde un sujet du type identité de la France ou histoire de France ou histoire de la France, participe, je dirais, des ambiguïtés du mot histoire. Hein, en ce sens que c'est à la fois ce qui est advenu et ce que nous, historiens, nous tentons d'en écrire ou d'en faire penser ou d'en faire connaître. Bon, histoire de France, il faut le rappeler aussi, est quand même un genre constitué dans ce pays qui n'a jamais cessé d'être, je dirais, le fruit d'une volonté, appelons-la comme on veut, d'une volonté, oui, plus ou moins géographique, mais d'une volonté essentialiste, c'est vrai. L'idée qu'il y a, puisque nous sommes constitués en nation, l'histoire de France est plus ou moins quand même l'histoire de la nation. Et pourquoi ? Alors là, on arrive à une espèce de point d'arrêt absolu, y compris dans toute discussion, et un point d'arrêt qu'il faudra bien dépasser un jour, bien tout le monde est d'accord, c'est quand même l'idée de l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme, n'est-ce pas ? L'idée que le principe de toute souveraineté réside par essence dans la nation. Du coup, ne pas reconnaître ou reconnaître à demi-mot, comme le fait Brodel, une sorte d'hégémonie de la définition révolutionnaire de la nation, comme dépositaire de la souveraineté, dont nous vivons encore, mal peut-être, mais dont nous vivons encore, ça le rend, comment dire, dans l'identité de la France, peu habile à analyser toutes les composantes et tous les concepts, parce que là, il faudrait, pour bien parler de l'identité de la France, il faut mélanger quantité de choses. Pierre Nora vient de s'y essayer dans un article récent de sa revue Le Débat. Numéro 159, oui. Mars-avril 2010, Pierre Nora, les avatars de l'identité française. Donc, alors, Pierre Nora dit, écoutez, là, il faut se mettre d'accord, et c'est vrai que c'est dans l'identité française de la France de Brodel aussi. Bon, de quand date-t-on tout ça ? Quelle est la validité du critère d'ancienneté, sans aller jusqu'à dire de toute éternité, il y a une France. Bon, il y a l'ancienneté, il y a la continuité. Parce que alors là, pour le coup, c'est vrai, il y a une continuité historique de siècle en siècle sur quelque chose qui a, sur un Finistère de l'Europe, avec un territoire flottant, nous sommes bien d'accord, avec des frontières qui n'ont rien de naturel, etc., etc. Il y a quand même quelque chose qui a assuré une continuité qui fait que ce bout de terre-là n'est jamais mort de ses contradictions, ni de ses rivalités, ni de ses guerres intestines, n'est-ce pas ? Il ne s'est jamais auto-dissous. Il y a quand même quelque chose là. Il y a ensuite une conception de l'unité qui n'est pas celle des Allemands, ni des Britanniques, ni des Italiens, etc., ni des Américains, qui est que ça se fait plus volontiers par le haut. Hein ? Bon. Et là, Brodel sur ces questions, le nivellement par le haut, ou l'autorité qui s'exerce au point de faire constamment de la diversité une unité, enfin c'est la grande idée de Michelet et de Brodel probablement, c'est parce qu'il y a un État. C'est parce qu'il y a un État qu'on a su décrocher de la chrétienté, finalement. Hein, voilà. Et alors là, pour le coup, Pierre Nora dit, nous avons inventé la nation statocentrée. Quoi, hein, voilà. Alors il y a tout ça. Et il y a aussi le poids de l'histoire. Et c'est vrai que c'est un Finistère de l'Europe où on a toujours pratiqué, je dirais, une sorte de récit des origines institué. Et c'est, au fond, l'histoire de France, avec un grand H, etc., reste toujours plus instituée qu'on ne peut. Et Nora dit, notre mémoire est de part en part historico-politique. Et c'est cela qui est un enjeu aujourd'hui considérable, bien entendu, dès lors que la société a pris beaucoup plus le pouvoir, je veux dire, en termes de gestion de la réalité nationale réelle ou fantasmée. Et c'est cela que, au fond, Brodel, de son temps, ne nous explique pas comme nous pourrions avoir envie qu'il nous l'expliquât aujourd'hui. Voilà, bien entendu. Nicolas Offenstadt. Oui, pour revenir à Brodel lui-même, ce qui me frappe, moi, quand même, c'est cette recherche éperdue, mais qui n'est pas le seul et qui se comprend. Encore une fois, si on veut bien accepter que tout historien est situé aussi dans des enjeux, c'est cette recherche éperdue, quand même, de continuité. Donc, il a beau nous dire, dès l'introduction et très souvent, diversité, il a beau dire, et la France n'est pas une essence, il y a une part de hasard, et il le dit très justement à un moment, les rois de France n'avaient pas un plan préconstruit pour nous amener jusqu'à un territoire fini. Mais en même temps, il recherche à toute force jusqu'à dire des choses étonnantes. Par exemple, il évoque le 9e siècle et le partage de l'Empire carolingien. Voilà. C'est votre domaine. Et ce qui me frappe, c'est qu'il médiéviste. Dit deux communautés nationales en voie de se constituer qui se signalent par leur langue. Bon, si on veut, je ne discuterai pas. Mais deux lignes après, il dit « En 1914, en tout cas, nous nous battions encore. » Donc, sous-entendu, finalement, il y a une permanence. « Français-Allemand pour la possession de la Lotharingie. » Et donc là, on voit bien que, si vous voulez, il y a une forme de Brodel, je dirais presque polémiste, qui l'emporte, parce qu'on ne se bat pas en 14 pour l'Alsace-Lorraine. Hein, les historiens savent bien que c'est pas ce qui a motivé la guerre de 14, c'est un des éléments, mais personne ne dit qu'on a déclenché la guerre de 14 pour récupérer l'Alsace et la Lorraine. Donc vous voyez, cette idée de chercher des continuités, même en allant très vite, finalement, sur les enjeux historiques du moment. Donc on passe du 9e siècle à la guerre de 14 en disant, finalement, l'enjeu, c'est toujours ce pays de l'entre-deux. Et ben non, il y a eu beaucoup de choses entre-temps, et les choses se sont construites bien différemment. Merci Marc Ferraud, merci Jean-Pierre Rioux, merci Nicolas Offenstadt pour tous ces éclaircissements sur les nombreux mystères de l'identité nationale que j'espère nous aurons un peu levés. Attaché d'émission Diane Lamant, prise de son Jean-Michel Bernaud, réalisation Franck Lilin. Dans quelques instants, nous allons poursuivre cette matinée consacrée à l'historien Fernand Brodel en nous rendant à Bar-le-Duc où devait enseigner le jeune historien. Nous visiterons à cette occasion le département de la Meuse où Fernand Brodel a passé sa petite enfance. Nous interrogerons des agriculteurs et nous ferons aussi une halte sur les champs de bataille de Verdun. Grande traversée, Fernand Brodel, l'historien monde, par Philippe Petit. Je crois que La France n'a pas eu la place éminente que les historiens d'autrefois lui reconnaissaient ou cherchaient à lui attribuer, et qu'elle se trouve en position, je dirais, mineure par rapport à l'ensemble de l'Europe et par rapport à l'Europe la plus vivante, c'est-à-dire soit l'Europe d'Italie, soit l'Europe des Pays-Bas. La Méditerranée et l'Atlantique. Sur l'Atlantique, elle aura sa revanche, mais je dirais un peu tardive. Elle n'est pas prise de plein fouet par l'essor économique de l'Europe. La Meuse, Bar-le-Duc, Verdun, la France rurale, naissance d'un historien. Vraiment, le monde des hommes est-il l'exclusif domaine du hasard ? Est-il d'une fantaisie inépuisable ? Oui, sans doute, si l'on considère à part chaque événement, chaque petit destin individuel. Un nombre invraisemblable de dés est toujours en mouvement, commande chacune de nos existences. Nous le savons, et nous n'y pouvons pas grand-chose. Nous croyons à la chance et au hasard ou bien à la providence, ce qui revient à peu près au même. Irai-je ou n'irai-je pas ce dimanche passer la journée sur les bords de l'Oise ? La minuscule question est en suspens, liée à tant de petits détails de ma vie. Allez donc les peser tous. Mais au guichet de la gare du Nord, le nombre des billets à destination de l'île Adam est très exactement prévisible, à quelques unités près. Incertitude d'un côté, celle de l'histoire individuelle, mais de l'autre, cohérence presque et simplicité, celle de l'histoire collective. L'histoire est bien une pauvre petite science conjecturale quand il s'agit des individus isolés du groupe. Quand il s'agit d'événements, mais elle est bien moins conjecturale et plus rationnelle dans ses démarches comme dans ses résultats quand elle met en cause les groupes et les répétitions d'événements. L'histoire profonde, l'histoire sur laquelle on peut construire, c'est l'histoire sociale. Chacun sait qu'il rêvait à peine agrégé. Être nommé au lycée de Bar-le-Duc, c'est-à-dire une quarantaine de kilomètres de son village. On va passer sur les détails. C'est à Constantine qu'il est nommé finalement. Il va donc traverser la mer et la découvrir pour la première fois de sa vie, de ses yeux vus. Il a 21 ans. Changement de propriété. Là, il y a une clôture qui monte en dessous du petit bosquet de sapin. Tout ce qui est à droite, c'est d'un voisin. Et ce qui est à gauche, là, c'est chez nous. Alors là, nous, on a gardé les bosquets hauts. Et là, c'était tout des bosquets. Toute la colline était boisée. Des en dessous, des bocteaux. Et tout ça, ça a été... C'est un paysage lunaire, quoi, maintenant. C'est dunaire. Alors quand il pleut, bon, il y a une érosion. L'eau descend là-bas. Jusqu'en bas, on mène la terre. En fait, vous voulez dire qu'il faudrait réhabiliter les haies ? Ah oui, oui. Sur des villages comme ça, ouais. On dit on mettrait 10 km de haies sur le périmètre, sur la surface de la commune, ça se verra à peine, hein, tellement il a été vidé, ce paysage de haies. Pour moi, Fernand Braudel, paysan, c'est l'amour de sa grand-mère. Parce que lui, il aimait se dire paysan, on l'a souvent taxé de paysan, et ça ne lui déplaisait pas du tout. Alors on rentre ? Ah bah, allons-y. Vous allez peut-être nous faire visiter, alors, non ? Un pays largement forestier comme la Lorraine elle-même, pris dans le domaine des patois et des villages lorrains, avec les mêmes vastes et lourdes maisons jointives, granges, écuries, pièces d'habitation, à peine ouvertes sur les jardins, à l'arrière des bâtiments, tandis qu'en façade, sur les larges rues à usoir, encombrées de chaque côté par des chariots, des charrues, des herses, des tas de fumier, s'ouvrent les grandes portes charretières des granges. Les toits sont couverts de tuiles rondes, dites romaines, bien que l'on ne pense plus aujourd'hui qu'il faille attribuer à Rome cet héritage lorrain. Alors pour la petite histoire, c'est au gré des vacances scolaires, parce que son père était instituteur, que Braudel naît le 24 août 1902 dans un tout petit village de Lorraine, qui s'appelle Luméville en Ornois. Hein? Vous êtes là depuis quand, monsieur, dans cette maison ? Oh bah, 30 ans, mais il y en a C'est une ferme qui est de... C'est une ferme de famille, hein. Originaire de la, de, du côté de ma femme, en fait. Jean-Pierre Orbillon. Qui remonte à quand ? Oh, qui remonte à 1870. Pourquoi cette date ronde, 1870 ? Oui, bah oui, c'est les indications qu'on voit sur la façade à l'avant, là. Bah, je crois qu'il est aussi d'une génération, ces générations-là qui ont vu le monde se transformer. Hervé Pian. Il est né dans une époque et dans un monde extrêmement traditionnel. Le Luméville en Lornois de 1902 ne devait pas être très très différent de ce qu'il était quelques siècles auparavant. Et puis, tout simplement parce que c'est un homme du XXe siècle qui a traversé tout le XXe siècle et que c'est un homme actif et qui a vu le monde se transformer. Et très certainement, il s'est interrogé là-dessus. Et puis tout historien, c'est presque une banalité de le dire, mais tout historien fait aussi sa propre histoire, même quand il travaille sur une autre période et sur une autre région et sur un autre objet que lui-même, tout historien fait sa propre généalogie. Et là, il va rester jusqu'à 7 ans parce que le roman familial dit qu'il était de santé fragile. Je n'avais jamais remarqué ça. Françoise Braudel. Alors, il va rester chez sa grand-mère paternelle, cette grand-mère qu'il a adorée et dont il était le petit préféré. Les paysans du XVIIIe siècle sont nos ancêtres, même s'ils ne portent pas le même nom que moi. Et c'est quand même, évidemment, s'interroger sur soi-même que de faire cela. Et il est très frappant que cette génération d'historiens, je pense à lui, je pense à Pierre Goubert, je pense évidemment à Bloch Fèvre, à Leroy Ladurie, un petit peu plus jeune, sont des gens qui se sont essentiellement, enfin énormément intéressés au monde rural. À essayer d'en comprendre les structures, peut-être aussi pour comprendre ce monde qui était en train de disparaître sous leurs yeux. Qu'est-ce qui a le plus changé ? Je pense que c'est la perte d'indépendance des agriculteurs dans leur métier, quoi. Enfin, moi, c'est ce qui me choque le plus, quoi. Voilà, l'agriculteur, aujourd'hui, il est devenu vraiment un simple maillon, là, et puis il a perdu énormément d'autonomie. De système de décision, c'est ça. Alors bien sûr, le petit garçon qu'est Braudel, amoureux de sa grand-mère, participe à sa mesure et avec bonheur aux travaux durs qui sont les siens. Il faut traverser la route et monter un petit peu pour s'occuper du potager familial. Et mon père m'a souvent raconté qu'il avait fabriqué une brouette à sa grand-mère pour qu'elle se fatigue moins. Comme je n'ai jamais connu mon père très bricoleur, j'ai souvent essayé, en silence, d'imaginer cette fameuse brouette. Ce que je crois en réalité, c'est que pour lui, à travers l'amour de cette grand-mère, toujours, j'y reviens, une grand-mère lumineuse, la campagne a été un spectacle. Celui des saisons qui changent, des arbres qu'il connaît très bien, de ceux qui poussent dans les champs, le blé, l'orge, l'avoine, qu'il reconnaîtra toujours, même sur pied, ce que je ne sais pas faire. Et lorsqu'en hiver, la terre est nue et un peu triste, il s'étonne de tant de petits cailloux blancs qui, malgré les labours, remontent inexorablement à la surface. Il en parle, si je me rappelle bien, dans l'identité de la France. Situé, on est donc, du point de vue géographie physique, on est aux marges du bassin parisien, hein, entre la fin du bassin parisien et puis les collines et les montagnes vosgiennes. La liberté vivre le peuple. On est dans une zone qui est, que longtemps, par exemple au Moyen-Âge, on qualifiait de zone d'entre-deux. Vous avez la région Champagne, à peu près clairement identifiée. Vous avez la région Lorraine, qui est à peu près clairement identifiée. Et vous avez une sorte de zone tampon entre les deux, dont nous faisons partie. Méthodologie, on va étudier, analyser un tableau qui vous est familier, que vous avez déjà vu, croisé, ne serait-ce qu'en feuilletant le livre hier lorsqu'on a fait cours, et nous allons essayer de voir comment ce tableau s'inscrit dans l'histoire politique de la France dans cette première moitié du 19e siècle. D'accord ? Donc le titre. D'ailleurs, politiquement, dans l'histoire, ces zones ont été des zones disputées entre la France et, pendant une longue partie, l'Empire, le Saint-Empire, disons l'Allemagne actuelle, hein, même si le Saint-Empire, c'est plus que l'Allemagne actuelle, et ensuite l'État lorrain proprement dit. Une ville comme Bar-le-Duc ou Gondrecourt, la ville natale de Brodel, ne sont pas à proprement parler en France, hein, mais sont dans une situation un peu complexe. Sont dans une situation complexe. On est dans une zone vraiment disputée entre les deux. On est dans des zones qui sont culturellement françaises, mais politiquement disputées entre les deux États, français et lorrain. Alors, le titre, on l'a. Ensuite, on doit... Comment ? Le présenter. Alors, présenter un document, Jonas. Il n'est pas surprenant que cet émiettement politique ait favorisé le regroupement par pays, par petites zones, hein, par ces petites zones centrées sur les petites villes qui ont un temps intéressé Brodel. Et il y a même un aspect clochemerlesque. La petite ville de Gondrecourt, hein, 1500 habitants, hein, d'une ville pour être gentil, est en très grande rivalité avec, par exemple, la petite ville de Vaucouleurs, qui est située à 30 km de là, qui fait 2500 habitants. Et il y a vraiment une rivalité très forte, une rivalité, par exemple, pour obtenir des équipements administratifs. Hein, qui aura le tribunal, plus tard, qui aura la sous-préfecture, qui aura tel ou tel équipement administratif. C'est un tableau qui fait 2,60 m sur 3,65 m. Ce tableau a été achevé en décembre 1830. Je crois aujourd'hui, je ne suis pas un spécialiste des structures géographiques actuelles, mais je crois aujourd'hui que la notion de pays au niveau du chef-lieu de canton est devenue quand même obsolète. Hein. Si on prend par exemple dans le département de la Meuse, on peut dire qu'il y a un pays barrois autour de Bar-le-Duc, mais Gondrecourt c'est quand même à 50 km de Bar-le-Duc. Hein. Entre Gondrecourt et Bar-le-Duc, au sens brodélien du terme, vous avez d'autres petits pays, hein, la région de Ligny, d'autres encore. Mais il n'y a pas de doute quand même que l'horizon, vous savez, c'est quand même l'une des choses vraies qu'il ne faut jamais oublier. La mondialisation est une réalité qui est évidente, mais l'horizon de beaucoup de gens, l'horizon ordinaire, l'horizon quotidien de beaucoup de gens, c'est la petite ville où il y a le supermarché, la préfecture, les commerces principaux, le supermarché, les commerces principaux. On n'est pas loin à une échelle légèrement plus grande, hein, disons aux alentours de la ville, de la petite ville, hein, de la ville préfecture ou sous-préfecture. On n'est pas très loin de cette notion de pays, mais disons qu'il s'est un petit peu agrandi, tout simplement parce que, par exemple, les modes de transport permettent des déplacements qui étaient inimaginables avant la révolution industrielle. Avant la révolution industrielle, l'horizon du pays, c'est le déplacement journalier, ce que l'on peut faire dans la journée en revenant chez soi le soir, c'est-à-dire une vingtaine de kilomètres. Voilà, alors il fait plusieurs choses, dont cette suppression, en tout cas cette restriction de la liberté de la presse. Je connais le nom parce qu'au lycée agricole, il y avait une salle qui s'appelait la salle Fernand Brodel. Voilà, uniquement. Sinon, après, qu'est-ce qu'il a fait ? Bonne question. À Bar-le-Duc. Mathieu Orbion. Laissons la question ouverte jusqu'à plus ample informé. Je crois que l'ancienne France paysanne a survécu grâce à son labeur, à sa sagesse, à son aisance relative dans un pays tout de même favorisé. Je me reprocherai, en vérité, de céder en la regardant à un certain crève-cœur, alors que le maintien des anciens équilibres ne peut apparaître. Rétrospectivement, sur le plan de la logique et de la sagesse, que comme une solution alors raisonnable. Il n'est pas sûr que l'agriculture d'aujourd'hui, qui va dans le sens de la technique et de l'évolution des mœurs, soit partout la solution raisonnable. Bien qu'elle se soit réfugiée dans les meilleures terres, abandonnant les autres, elle reste comme hier partagée dans son espace par de grandes différences de productivité. J'ai pris trop de plaisir à certains ouvrages romancés, pas forcément exacts, où la campagne nous est comptée. Ainsi, Une soupe aux herbes sauvages d'Émile Carle, qui nous transporte dans les Alpes de la Maurienne, ainsi Retour à Malaveille de Claude Courchet, pour y rechercher des témoignages impartiaux sur la France paysanne d'hier à aujourd'hui. Mais j'avoue avoir été arrêté par quelques phrases qui m'ont paru d'une inexactitude pathétique. Dans le temps, tu pouvais t'en sortir en produisant pour toi. Maintenant, il y a les traites qui tombent tous les mois. Tu ne peux plus arrêter une fois que tu as commencé. Le tracteur, dès que tu as fini de le payer, il est bon pour la ferraille. Finalement, tu travailles pour le Crédit Agricole. Jadis, tu travaillais pour le seigneur. Avant-hier, tu travaillais pour le propriétaire. Hier et aujourd'hui, tu travailles pour l'État et pour les banques. Plus ça change, plus c'est pareil. La terre n'a jamais rapporté à ceux qui la travaillent. Tout n'est peut-être pas nouveau dans la France nouvelle aujourd'hui. Eh ben, on se rend compte que ce qu'il disait, c'est toujours vrai maintenant, quoi. On travaille pour les autres et on travaille pas pour nous, en fait. L'année, il y a 2 ans où les prix agricoles ont flambé, on l'a tout de suite vu, tous les fournisseurs de l'agriculture ont augmenté immédiatement les prix de leurs produits. Ils se sont rendus compte qu'il y avait de l'argent à prendre, ils sont venus le prendre. Là, on en est intimement convaincus de ce qui est dit là. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui. On laisse à l'agriculteur juste ce qu'il lui faut pour qu'il survive, quoi. Qu'il soit toujours client demain. Mais pas plus. Et quand on a cette conscience-là, je trouve qu'on a fait un bon progrès. Il a gardé des contacts durant toute son enfance avec la Meuse, hein, puisqu'il revenait pour les vacances chez ses grands-parents. Les vacances, hein, quand on est né en 1902, c'est notamment pendant la Première Guerre mondiale. Hein, c'est pas inintéressant de constater ça. Et on est dans des zones où les combats sont très très près. On n'est pas dans des zones de combat, mais on est dans à l'arrière. Hein, et on sait évidemment tout ce qui se passe. Il a eu très certainement comme ambition, alors peut-être plaisantait-il en disant qu'il voulait être professeur au lycée Poincaré, mais il a quand même fait son premier travail universitaire sur Bar-le-Duc et la Révolution. Et je crois qu'il y avait, d'ailleurs il l'a toujours dit, hein, un attachement extrêmement fort à ses racines familiales et géographiques. Il y a des très belles pages, hein, de Brodel sur la Lorraine. Il y a notamment l'idée très célèbre des Lorrains qui ont la France dans le dos. Les Lorrains, nous savons ce que c'est que la France parce que nous avons la France dans le dos. Nous avons en face de nous des gens qui ne sont pas la France. Et forcément, on est obligé de s'interroger sur ce que c'est que la France parce que ça ne nous est moins évident, peut-être que d'autres situés au milieu du pays, on va dire. On voit que Fernand Brodel, qui a des racines meusiennes, qui a des racines meusiennes très fortes... Serge Barcellini. On s'aperçoit que dans la totalité de l'œuvre de Fernand Brodel, il n'y a pas de référence à 14-18. On peut chercher véritablement à fond, on s'aperçoit que ce n'est pas présent. Alors ce n'est pas présent à la fois dans les références qu'il fait sur la Meuse, car il fait de nombreuses références à la Meuse dans son œuvre, dans ses différents livres. Et vous cherchez 14-18, ça n'existe pas. Quand il fait référence, il parle des villages avant 14. En fait, la vision de Fernand Brodel sur la Meuse, c'est une vision d'un espace rural, c'est une vision d'une Meuse rurale d'avant la guerre, c'est une vision d'une Meuse un peu stagnante, puisque l'exode rural n'a pas commencé, c'est une vision d'une Meuse qui va aussi bien de 1790, puisqu'il parle de ce village de Gondrecourt de 1790 dans son dernier bouquin sur l'identité de la France. On voit bien des échanges économiques d'une France rurale, d'une vie sociale d'une France rurale, et ça s'arrête à 14. C'est tout à fait incroyable. Il n'y a pas une référence ? Aucune. Vous n'en avez pas trouvé une seule ? J'en ai trouvé une seule. Ah, oui. J'en ai trouvé une seule, n'est-ce pas ? Une seule, où il cite, il parle, n'est-ce pas, des échanges ruraux du 19e siècle, de nouveau, et il dit « Rambercourt au Pau, village du Barrois mouvant, qui relève du roi de France, village martyr des débuts de la guerre de 1914. » Point. C'est passionnant parce que Il y a là ou un véritable choix ou quelque chose qui se passe. Fernand Braudel, qui fait le choix à l'origine par passion de la Meuse, puisqu'il choisit de faire une maîtrise sur la Révolution française et sur le début de la Révolution française à Bar-le-Duc, qui fait le choix de ses visites quand il est gamin sur son vélo. Alors, je reconnais que c'est en pleine guerre, mais il, en 1919, il est là, en 1920, il est encore là. Il visite la Meuse, il est ado, il vient d'avoir l'agrégation d'histoire en 1920. Et on voit bien qu'il est intéressé par la Meuse. Pourquoi ? Parce qu'il demande une première nomination au lycée de Bar-le-Duc. Et là, il y a le tournant fondamental de la vie de Fernand Braudel. Quelque chose de formidable qui se passe. Alors que cet homme, ce jeune, veut faire quelque chose en Meuse, il est nommé au lycée de Constantine, en Algérie. Et là, il y a une rupture fondamentale dans la vie de Fernand Braudel, puisque cette arrivée à Constantine va lui ouvrir l'espace. Il va lui ouvrir l'espace et il rencontre la Méditerranée. Il quitte la Meuse profonde, et puis une Meuse très limitée. Très, très limitée. Car la Meuse de Fernand Braudel, c'est pas toute la Meuse. C'est pas Verdun. Non, c'est Bar-le-Duc. C'est, comme il dit, n'est-ce pas, le village du Barrois mouvant. Nous sommes dans une Meuse restreinte, dans une Meuse autour de Bar-le-Duc. Nous sommes dans une Meuse du Barrois. Or, et je vais y revenir, il y a une coupure dans ce département de la Meuse entre Verdun et Bar-le-Duc. Et cette coupure va être formidablement accentuée en 1418. Car le Barrois sert l'arrière-front français. C'est une zone qui, bien sûr, subit et vit la guerre de 1418. Mais elle l'a subi plus par les passages des presque des 2 millions de soldats français qui vont y passer, qui vont être dans les casernes, qui vont être dans l'arrière-front français. Mais elle ne le subit pas du tout comme champ de bataille. Et la coupure entre Bar-le-Duc et Verdun est aussi une des explications de l'œuvre de Braudel. Cette perspective-là, elle est quand même celle de tous les Français de l'époque de la jeunesse de Braudel, hein, et donc qui naît en 1902, qui fait son mémoire de maîtrise en 1900, de diplôme d'études supérieures en 1922, qui a fait sa formation, sa jeunesse avant 1914, et c'est l'époque où les cartes de France sont, comment dire, bien signalées avec la perte d'or. On dit toujours de l'Alsace-Lorraine, mais nous qui sommes dans l'Est, nous disons l'Alsace et la Moselle, puisque à Bar-le-Duc, nous sommes Lorrain, nous n'avons pas été annexés. Jean-Pierre Arbulot. Alors donc, il aurait pu, Braudel, comme certains Français, avoir une conception revancharde, cocardière. C'est-à-dire que dans cette France qui est amputée de l'Alsace et de la Moselle, c'est vrai que les défenses, les forts de Verdun, etc., en 1914, la frontière est toute proche. Lui qui est à Gondrecourt, à la limite, n'est qu'à un vol d'oiseau, à une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de la frontière allemande. Et donc, il considère en gros que cette région, nous sommes entre deux. Nous sommes, et il dit nous, Lorrain, en 1985. Ça veut dire que jamais il n'a renié son espace natal, où il n'a vécu malgré tout que fort peu de temps, mais en y revenant toutes les vacances, jusqu'en 1923. Il reste Lorrain de cœur. Il a une mentalité où il se dit, ben, il y a peut-être l'ennemi en face. Et puis il y a derrière, il y a les Français. Les Français du centre de la France, du sud de la France. Et nous, Lorrains, nous avons une mission particulière. Alors, vous imaginez ce que ça aurait pu donner comme autre piste pour un historien ? Il aurait pu être nationaliste, il aurait pu être militaire, comment dire, à tout craint, et non. Voilà, il pense les choses de façon, je dirais, il objective tous les éléments qu'il a connus pour les situer, pour les mettre en relation. Il ne regrette rien, mais en même temps, il a su sortir de son milieu géographique sans le mépriser. Je crois que c'est sa plus grande qualité, parce que souvent, quand on part de l'Est ou de régions rurales, on les voit parfois d'un peu haut. Jamais ça n'a été le cas de Braudel, parce que sa vision du monde, elle est respectueuse de tous les espaces et je dirais de tous les temps. Alors l'Argonne est un massif boisé essentiellement. Hein. C'est un dans la France d'avant les remembrements, dans la France traditionnelle, les frontières entre régions sont marquées par des forêts. La vraie frontière dans la France d'Ancien Régime, c'est la forêt. Et d'ailleurs, au Moyen-Âge, par exemple, ce que l'on appelle le désert, c'est la forêt. Parce que c'est l'endroit vide d'hommes. Et donc, les régions de marge, les zones en marge, les zones frontières entre deux régions, sont des régions boisées. L'Argonne est la région qui sépare la Lorraine de la Champagne. C'est un grand massif forestier, assez impénétrable. C'est probablement en Meuse la région la plus enclavée. C'est probablement la région la plus enclavée, celle qui est à l'écart des routes, celle où les communications sont les plus difficiles. Le Barrois est une zone beaucoup plus agricole. C'est un plateau calcaire qui est essentiellement agricole, traversé par des vallées qui sont aussi des axes importants de communication. Le Barrois est une zone agricole, l'Argonne est une zone boisée pour l'essentiel. Et ce sont deux régions qui, historiquement, ont eu très peu de relations l'une avec l'autre. Dans ce sud de la Lorraine, les principales communications se font de l'est vers l'ouest. La principale route ici, c'est la Nationale 4, c'est la route Paris, Nancy, Strasbourg. Les déplacements nord-sud sont très compliqués. Pensez qu'il n'y a pas de ligne de chemin de fer entre Bar-le-Duc et Verdun, c'est-à-dire entre la préfecture et la ville principale du département, que la route entre Bar-le-Duc-Verdun est très mauvaise, parce que les relations principales ne sont pas des relations nord-sud, ce sont les relations est-ouest. Son dernière œuvre, l'identité française, est en fait une France éternelle. C'est une France éternelle où il ne voit pas, à mes yeux, un certain nombre de ruptures fondamentales, et en particulier la rupture de la Grande Guerre, qui touche quand même la France éternelle. Car la Grande Guerre, c'est une rupture colossale en France, et pas seulement en France, dans la place de la France dans le monde, c'est 14-18, la rupture. Et en Meuse, c'est une rupture, mais gigantesque. Ce département ne s'en relèvera jamais. Le département de la Meuse qu'a connu Fernand Braudel, ce département de sa jeunesse, c'est un département exceptionnellement fort. C'est un département de construction des élites. Ce département que connaît Fernand Braudel jusqu'en 1920, c'est le département qui a donné naissance à Poincaré, c'est le département qui a donné naissance au Poincaré, c'est aux deux Poincarés, c'est-à-dire l'élite des mathématiciens et l'élite de la vie politique française. C'est le département qui donne naissance à Maginot. On juge comme on veut. Grand homme de la Troisième République. Grand homme de la Troisième République. Dans cette idée de Meuse, terre des élites, cette Meuse de l'avant 1914 et de l'avant 1920, nous avons dans ce département cette chose extraordinaire, un département qui économiquement est fort et par là même qui secrète des élites excessivement fortes. Donc on pourrait donner des centaines d'exemples. Nous sommes dans des terres d'élite. Et élite des historiens, tout à fait intéressant. C'est-à-dire qu'une terre qui n'est pourtant pas, allons jusqu'au bout, ce qui fait aujourd'hui la force historique de la Meuse, c'est la Grande Guerre. Quand vous venez des États-Unis, vous venez de Paris, vous venez visiter la Meuse, vous venez d'abord visiter la Grande Guerre. Vous venez d'abord visiter ce champ de bataille sur lequel nous sommes aujourd'hui. Donc, on ne peut pas dire que la Meuse était un lieu exceptionnel de l'histoire. Alors, je veux bien rappeler Jeanne d'Arc qui y est passée, mais est-ce que la Meuse était un lieu exceptionnel d'histoire, terre d'histoire, avant 1920? Je le crois moyennement. Et pourtant, c'est une terre d'historiens. Mais ces trois historiens, comme toutes les autres élites, ont quitté la Meuse. Ces trois historiens, comme les autres élites centrales, ont ensuite fait leur carrière ailleurs qu'en Meuse. C'est-à-dire qu'elles n'ont gardé un lien avec la Meuse qu'un lien ténu. Un lien de peut-être d'une maison secondaire, d'un lien d'un rappel familial. C'est-à-dire que la Meuse, qui a cette rupture fondamentale que ne voit pas Fernand Braudel, et qui pour la Meuse va être énorme. Pour la France, elle est essentielle, pour la Meuse, elle est exceptionnelle. Et que la Meuse est encore terre de militaires. La Meuse a vu naître trois grands historiens français, Pierre Chaunu, Pierre Gaxotte et Fernand Braudel. À votre avis, c'est un hasard ? Oh, tout à fait. Je ne dirais pas que l'on est un grand historien si l'on a pour origine la Meuse. Michel Ballard. Mais il y a quand même un petit quelque chose que l'on pourrait expliquer. Nous sommes dans une région de frontières, une région de frontières entre deux aires linguistiques différentes, entre deux nations qui se sont souvent affrontées dans des guerres importante, et ce n'est peut-être pas un hasard si certains ont trouvé leur vocation d'historien parce que ils étaient attachés à un sol disputé entre deux nations. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que nos historiens vont développer, que ce soit Gaxotte, Chaunu et Brodel, qui sont totalement des historiens, pas dans les mêmes, on va dire, dans les mêmes traditions. Même tradition. Ils ne sont pas du tout des historiens. Mais on voit qu'en fait, aucun va s'appesantir sur la Meuse. Il y a peut-être un lien entre ce que disait Brodel dans l'identité de la France, de cette idée de bourg comme pôle, et ce qu'il disait par ailleurs dans Civilisation matérielle et capitalisme. Il existe des secteurs qui ne sont pas directement atteints par la mondialisation. Prenons le cas de l'agriculture biologique, mais pas uniquement, de certains produits du marché aussi. Ils ne voyagent pas tant que ça. Le lait biologique va à Nancy, point. Il ne va pas beaucoup plus loin. Je suis entièrement d'accord. Une bonne partie de la vie des gens, surtout hors des grandes de métropoles, reste dans un horizon relativement restreint, même si l'implication, les conséquences de la mondialisation ne sont pas toujours visibles, et elles sont bel et bien là. Bar-le-Duc, par exemple, est une ville qui, depuis quelques années, se transforme. Elle a mis du temps à se transformer, mais se transforme, où on passe de commerce de proximité de centre-ville à des zones commerciales habituelles avec les enseignes de la mondialisation, là, bien évidemment. Par exemple. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'industrie dans le Barrois? Oh, ça ira très simple. Nous ne sommes pas dans une zone industrielle. Alors, pas tout à fait vrai. Justement, à l'époque qui intéressait le plus Brodel, le 18e siècle, la Meuse est une des zones de la première industrialisation, de la proto-industrialisation ou de la première industrialisation. C'est une zone notamment où on trouve de nombreuses forges. Pas très loin de Gondrecourt, vous avez plusieurs villages dont les toponymes d'Invilleau-Forge, Néo-Forge, montrent bien que c'était une des régions pionnières de l'industrie parce qu'il y avait là les deux choses essentielles, on est là avant la révolution industrielle, la machine à vapeur, l'eau et le bois. L'eau et le bois, les deux principales sources d'énergie, les combustibles nécessaires. Le souci, évidemment, c'est que la révolution industrielle de la machine à vapeur et du charbon ignorera la Meuse, que le développement, que cette révolution industrielle du charbon se fera par le train, que la Meuse va très vite voir passer les trains. Sans qu'il s'arrête beaucoup, c'est l'un des gros problèmes. Le problème du département, c'est évidemment son enclavement. Pour prendre un exemple très récent, les Meusiens ont bien failli se voir condamnés à regarder passer les TGV sans qu'ils s'arrêtent dans le département, ce qui aurait été évidemment une catastrophe parce que ça aurait encore plus accentué le départ, notamment des jeunes et des personnes les plus dynamiques vers les grandes villes, vers les métropoles. Où se concentre l'activité. Donc, l'industrie s'est développée dans certaines villes. Une ville comme Ligny-en-Barrois, par exemple, à 20 km de Bar-le-Duc, disons à mi-chemin à peu près entre Bar-le-Duc et Gondrecourt, est une ville industrielle avec des usines importantes qui étaient installées, qui a subi, bien entendu, comme toutes les villes industrielles, le choc de la crise. Mais une ville comme Bar-le-Duc, par exemple, est une ville purement tertiaire, quasiment. C'est une ville essentiellement administrative. Le plus gros employeur de la ville, c'est l'hôpital. C'est une ville essentiellement administrative. Il y a très, très peu d'entreprises importantes. En considérant que ce qu'il prend au niveau local, c'est-à-dire, par exemple, Gondrecourt, n'est pas écrit pour l'histoire de Gondrecourt. C'est donc la dizaine de pages qu'il fait là-dessus, c'est pour expliquer ce que c'est qu'un bourg dans la hiérarchie un petit peu des centres de population, et montrer aussi en quoi le bourg est un élément de domination, ça s'était montré, mais en même temps, lui, dans le domaine économique, de montrer qu'il y a des relations, que les produits de la campagne sont utilisés par des marchands qui eux-mêmes, alors du bourg à la ville plus importante, etc., vont être en interaction avec des espaces encore plus lointains. Donc là, ce sont des exemples, mais il n'hésite pas à puiser donc dans ces exemples, sans jamais qu'il y ait d'overdose, je dirais, d'exemples locaux, parce qu'à chaque fois, il y a une connaissance, à la limite, qui est stupéfiante. Il y a des références qu'il utilise et il croise toutes ces données. Mais le local, en tout cas pour moi qui ne suis pas meusien, mais qui m'intéresse aux réalités locales, est intéressant, parce que je pense vraiment que l'histoire locale n'est intéressante que si on la met en perspective. Et ça, c'est le grand mérite de cette lecture locale de Brodel, qui n'est qu'une des lectures possibles, bien sûr. C'est encore une façon de décrire et de mieux décrire que de recourir au cadre de la région naturelle. Cela revient à décomposer un espace bigarré par lui-même en petits espaces qui, eux, sont à peu près de même teinte et où les caractères géographiques sont sensiblement les mêmes. C'est casser le vitrail pour le décomposer en ces fragments de verre monochrome, casser la difficulté pour la mieux comprendre. Disons-le sans fierté inutile, y a-t-il en effet au monde un pays se prétend aussi bien que la France, avec ses provinces et ses pays, à une aussi riche étude régionale? Dans des pays neufs ou moins vieux que le nôtre, où il n'y a pas d'hommes attachés à la terre, fixés depuis des millénaires à leur travail, à leurs champs et à leurs villages, où n'abondent pas comme chez nous ces réalités que sont les pays, ces terroirs individualisés, riches d'un long passé et d'une puissante expérience humaine, y a-t-il une aussi belle, une aussi puissante matière à géographie régionale? Non, assurément. Nous avons donc d'admirables images de France et sur leur modèle, dessinées par nos géographes, d'admirables images du monde. Tout à reprendre d'ailleurs, un peu plus tôt, un peu plus tard, puisque c'est la loi inévitable du genre. Je pense que la France est de moins en moins rurale, où les gens veulent venir habiter dans le rural et sans en avoir des contraintes, quoi. Récemment, là, dans le journal, dans l'Est républicain, là, les gens se plaignent parce que le coq chante le matin, quoi. Alors bon, la France rurale, on la voit plus trop, quoi. Bah c'est la disparition du nombre d'exploitations agricoles qui est récurrente, qui a été forte et qui est encore toujours d'actualité. Aujourd'hui, puis demain, on le voit autour de nous dans les villages, les fermes, elles ont disparu, elles disparaissent encore. Et puis, y a aussi la disparition dans des départements comme les nôtres de l'activité d'élevage aussi, qui a fortement disparu. Et quand l'activité d'élevage disparaît, c'est de la main-d'œuvre qui disparaît. Et c'est les femmes qui disparaissent en même temps. Parce que dans les fermes où il n'y a plus d'élevage, les femmes ont rarement leur place. Si les fermes abandonnent les activités d'élevage, ça veut dire qu'il reste essentiellement les activités de production de grandes cultures. Et là, c'est les mecs qui travaillent, quoi. C'est les mecs qui roulent les tracteurs, voilà. Alors que les femmes avaient une activité autre dans l'élevage, à la traite, aux soins aux animaux. Voilà, elles avaient une réelle place. La France rurale de Brodel, quand vous regardez un peu ce qu'il a écrit, quand même, on en est un peu loin aujourd'hui. Oui, vous savez, l'autre historien, successeur de Brodel aux annales, Jacques Le Goff, dit « Le Moyen-Âge s'arrête à la guerre de 1914 ». Dans une certaine mesure, c'est le même monde dont il parle, c'est-à-dire ce monde qui change, on va dire, entre la Révolution française et la Seconde Guerre mondiale, ce monde qui va être totalement transformé par l'industrialisation, par l'urbanisation. Il n'y a pas doute que Brodel, issu d'un département comme la Meuse, qui est encore un département très traditionnel, on a encore une majorité de population rurale en Meuse, on a encore 55% de population population rurale. C'est en quelque sorte, j'imagine que les décideurs et les politiques du département ne seraient pas très contents de m'entendre dire ça, mais c'est aussi un département qui est un peu un conservatoire de choses qui ont disparu dans beaucoup d'autres. Évidemment, l'un des points intéressants par rapport à Brodel, c'est par rapport à l'identité de la France. Dans la perspective actuelle, dans les débats actuels, la notion d'identité de la France a été reprise et il y a une certaine ambiguïté brodelienne là-dessus. La première chose que dit Brodel dans l'identité de la France, c'est « la France se nomme diversité ». Non, la France, c'est la diversité. Mais quand on regarde ce que Brodel appelle la diversité, c'est la diversité entre la Bretagne, la Provence, l'Auvergne, la Lorraine. C'est la diversité des pays. Et par exemple, Brodel prend peu en compte l'apport migratoire, prend peu en compte le mélange, le maelstrom, les cultures qui s'est fait dans l'histoire. Le monde de Brodel, c'est assez net, je trouve, dans l'identité de la France, est un monde assez figé. Il y a un aspect un peu nostalgique d'une France paysanne, d'une France traditionnelle, qui est celle de son enfance. Il est né en 1902, il a connu cela, on peut supposer la France de son enfance dans un petit village de la Meuse. Peut-être aussi des choses qu'il a connues plus tard lorsqu'il était en Afrique du Nord, par exemple, où il a pu retrouver des idées. Et c'est vrai, ça lui a été d'ailleurs reproché. Il y a eu des critiques faites sur cet aspect-là, sur ce côté un peu traditionnel, pour pas dire traditionnaliste, de cette France. Bien qu'il n'y ait pas, je pense que les critiques ont pu même être adressées en faisant une sorte de précurseur du choc des civilisations, précurseur d'une opposition entre une Europe chrétienne et éternelle et les autres civilisations, n'est à mon avis pas juste. La Méditerranée est quand même un hommage à la diversité, notamment de cette terre de contact, ou cette mer de contact, qu'est la Méditerranée. Dans la paysannerie, les ouvriers agricoles de la Meuse, il n'y avait pas du tout d'immigration ? Si, là aussi, il y a peut-être chez Brodel une forme de... Il n'a pas suffisamment pris en compte cette mobilité réelle qui existait dans les villages. Un historien, à la fin des années 60, Gérard Bouchard, un historien canadien, a écrit une monographie sur le village de Senlis en Sologne, qui s'appelle « Le village immobile », où il voulait montrer que pendant finalement des siècles, rien n'a bougé dans ce village-là. Je crois que beaucoup d'historiens reviennent là-dessus et montrent que les déplacements, les migrations... pas toujours sur des distances très très longues, sont aussi à l'œuvre dans la France de l'époque moderne. Pour reprendre des exemples locaux que je connais bien, dans un petit village que j'ai étudié, s'est installée une proto-usine de faïence. Or, les ouvriers faïenciers au XVIIIe siècle sont des ouvriers spécialisés. Ce sont les ouvriers spécialisés, et lorsque cette usine commence à tourner, elle fait venir des ouvriers de toute la France. Et vous avez, dans ce village-là, qui est un petit village, 200, 300 habitants, vous avez 10, 20, 30 personnes qui viennent de Bretagne, de Bourgogne, du sud de la France. Et certains restent là, d'autres ne font que passer vers d'autres cieux. Mais il y a ce mélange-là qui existe. On ne peut pas réduire quand même la France à une immobilité. Le petit Lavis, avec ses... ces petites images, avec ces comptines, avec ces références immuables, et qui, à l'école communale, ce petit Lavis a façonné la façon de parler de la France, de se représenter la France comme la terre de l'excellence, le lieu privilégié où donc l'histoire est née d'elle-même. Marcel de Tienne. Un siècle entier de petits Lavis. Il y a un passé, et notre présent est ici, c'est notre passé, il faut expliquer notre présent. Pour moi, c'est un point de vue extrêmement étroit. Je comprends très bien qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça, à leur village, il y a des gens qui ont bien le droit d'avoir une... comme ils disent maintenant les ethnologues du patrimoine, une histoire à soi. Pour moi, c'est le scandale par excellence. Une histoire à soi. On peut se raconter l'histoire à soi, on peut avoir une histoire à soi. Mais est-ce qu'on peut penser que, si l'histoire, c'est essayer de comprendre des rapports entre quelque chose qui est de l'ordre des expériences antérieures, appelons ça le passé, et puis des manières de concevoir la vie en société, le politique, le juridique, le droit? Et on ne peut pas considérer qu'une histoire à soi, on ne se lève pas le matin pour écrire une histoire à soi. Bon, moi, le débat sur l'identité nationale, j'y ai un petit peu pris part, justement pour peut-être pour essayer de dire que l'intérêt était peut-être qu'il n'y ait pas de débat, que cette identité de la France n'est pas du tout la même chose qu'une identité française. Hein. Brodel, on parle bien de l'identité du pays France. Qu'est-ce que c'est que la France? Il ne se demande jamais qu'est-ce que c'est qu'être français. Être français, c'est un problème d'identité personnelle. On est français comme on est autre chose. Ça fait partie d'un des éléments de notre identité. L'interrogation de Brodel, c'est qu'est-ce que c'est que la France? Et je leur ai dit bien ce que je disais tout à l'heure. Il insiste d'abord sur la France se nomme diversité. Hein. Et même si c'est une diversité un peu au sens étroit, une diversité qui prend peu en compte les immigrations, il n'y a pas de doute. J'en sais rien après tout, qui ne se retrouverait certainement pas dans les usages politiques de la notion d'identité française, identité de la France. Quand l'ouvrage est paru, dans les années 80, il avait été salué par le Front National et par quelques officines de droite. Je crois que c'était quand même dans une large mesure contre son gré. Hein, non seulement parce qu'il n'était pas, je pense pas que ses sympathies politiques allaient vers par là, je crois même plutôt l'inverse, mais aussi parce que ce n'est pas ça, je pense, qu'il voulait dire. Fernand Brodel, je crois, était plutôt proche d'un gaullisme élargi, disons, hein, et ceci peut-être depuis la guerre, hein, depuis 1940. Hein, et sinon, il se prononçait pas trop. Absolument, hein. Absolument. Sa conception de la France n'est pas du tout une conception exclusiviste. C'est pas une France contre les autres. C'est pas une France, une identité de la France qui se construirait comme une forteresse. Je ne crois pas. On n'écrit pas un maître ouvrage comme la Méditerranée sans avoir un amour pour le mélange des cultures, parce que la Méditerranée, c'est le lieu du mélange des cultures par excellence. Brodel est un homme qui savait la complexité. Il a ce grand chapitre qu'il avait sur la diversité de la France. La diversité est partout en Europe, bien sûr. Et donc, ses propos et son attention à la manière dont ce tissu en profondeur, cette richesse de couleurs du tissu français se fait à travers une série d'échanges, de transformations. Il connaissait très bien les problèmes contemporains et certainement qu'il a un regard très différent de celui que j'ai retenu. J'ai retenu au fond la manière dont le Front National l'avait utilisé. Voilà. Je dis que c'est dangereux, n'est-ce pas, d'écrire un certain nombre de choses et de ne pas en faire la critique. Vous me direz que lui ne pouvait plus en faire la critique, puisqu'en 86, il disparaît. Mais les historiens derrière lui, sa famille, devaient faire la critique de ce Brodel-là. Mais on ne fait pas la critique d'un grand-père ou d'un père. Et c'est dommage. Qui pourrait en France parler de race? Les Maghrébins sont de race blanche. Et notre midi a sa pinte de sang sarrasin, espagnol, andalou. Regardons la foule dans le métro parisien, ou dans les rues de villes comme Lyon, Marseille, Lille ou Grenoble, dit un sociologue Augustin Barbara. L'extrême diversité des visages et des types humains révèle la grande richesse de cette population, et en même temps le ridicule des slogans qui veulent mettre les étrangers dehors. La population française est un tissu composé de plusieurs ethnies, de plusieurs peuples régionaux rassemblés, auxquels se sont joints par les différentes immigrations depuis plus d'un siècle des étrangers d'Europe ou de pays plus lointains. Tant d'immigrés depuis si longtemps, depuis notre préhistoire jusqu'à l'histoire très récente, ont réussi à faire naufrage sans trop de bruit dans la masse française que l'on pourrait dire en s'amusant que tous les Français, si le regard se reporte aux siècles et aux millénaires qui ont précédé notre temps, sont fils d'immigrés. Très diverse la France, ne peut-elle courir le risque de le devenir biologiquement davantage encore? Il a écrit un jour qu'il était devenu intelligent quand il était au Brésil. Il regardait les choses de loin. Il sait regarder les choses de loin aussi. Et donc, c'est un historien qu'il faut lire. Ça n'enlève rien, ne semble-t-il, à son talent de faire remarquer qu'il s'est laissé donc happer par quelque chose qui est ce retour chez lui, au village, et ces affirmations si étranges de dire « Seul un historien qui est de plein pied avec, on peut dire, pas ses racines ou presque, peut écrire l'histoire de ce lieu. C'est contraire de ce regard qu'il a porté depuis le Brésil sur les océans, tous ces échanges commerciaux, les marchands, Salomé qui a admirablement écrit autour des marchands, tout ce que les marchands ont fait, ont inventé, la banque, les échanges financiers. Donc c'est un grand historien de l'histoire mondiale, c'est vrai. Et en même temps, sa faiblesse, c'est d'être revenu dans un village et de penser qu'effectivement, il fallait que tu commences à Lascaux. Oui. Pourquoi sa faiblesse ne pouvait-il pas être à la fois l'historien de la dynamique du capitalisme et l'historien de la France rurale? Mais l'histoire de la France rurale, mais alors, c'est pour dire que la terre est française, comme on trouve dans le lieu de mémoire. On a demandé à un géographe d'expliquer pourquoi il y avait, la terre fait partie de notre identité nationale. Il a dit, mais cette terre-là est celle de l'Europe, elle est la même partout. Donc, le champ, le cadre national éclate. Donc, aussi comprendre la misère un peu de ce cadre national. Brodel est plus riche que le cadre national. Et l'histoire qu'il écrit est au-delà de ce cadre national. Pourquoi avait-il besoin, si ce n'est que, effectivement, ben, en France et dans le milieu des historiens, la France, c'est d'abord la France. Lorsqu'il retouche de dernière fois la préface de l'identité de la France, et il la retouche en juillet 1985, il va décéder en novembre 1985, donc il retouche une dernière fois sa préface, quelques mois avant de décéder, on est bien d'accord. Et nous sommes en juillet 1985, les lieux de mémoire sont en train de s'imposer. Nora est en train de s'imposer à l'ensemble de la vision intellectuelle historienne française. Nous ne sommes pas encore à la conquête mémorielle de toute l'histoire française. Ça y est, on y est. La conquête mémorielle de l'histoire française est en train de se faire. Et c'est quand même intéressant parce que notre Fernand Braudel vieillissant, il passe à côté de ça. Ce n'est pas des critiques, bien évidemment. Hein. Nous sommes tous en respect face aux grands historiens, donc il n'y a pas un problème. Mais c'est des constatations. C'est une constatation. Alors, et je reconnais que les lieux de mémoire ne doivent pas occulter l'histoire et que la mémoire doit en aucun cas occulter l'histoire. Nous sommes tout à fait d'accord. Simplement, quand vous faites un livre sur l'identité française, vous êtes déjà dans la mémoire. Un livre sur l'identité française, c'est plus à la limite un livre de mémoire que d'un livre d'histoire. D'ailleurs, Fernand Braudel fait des choix. Lorsqu'il surdimensionne Metz à l'intérieur de son livre sur l'identité française, lorsqu'il rappelle fondamentalement 843, le traité de Verdun, il est bien plus dans la mémoire que dans l'histoire. Et donc, je peux dire qu'il passe à côté de la mémoire de 14-18 lorsqu'il fait cet ouvrage fondamental. Voilà. Alors, les souvenirs, c'est toujours quelque chose qui fait plaisir et un peu peur. Il y a nos propres souvenirs, il y a ce que l'on nous a raconté et qu'on garde peut-être trop précieusement au cœur parce que soit ça peut figer l'homme, ça peut aussi engendrer des nostalgies chez nous. Voilà. Et je dirais aussi que nos rêves, nos souvenirs reconstruisent un homme et que chacun le reconstruit à sa façon, que ce sont des souvenirs qui inventent Braudel avec toujours un petit peu de faux dans le vrai, un petit peu de vrai dans le faux, et mais qui s'attachent bien sûr à des bribes de réalité qui font revivre l'homme d'une autre façon. Au cours de ce voyage éclair dans la Meuse, dans la France rurale, mais pas seulement, vous avez pu entendre Mathieu Orbion, Jean-Pierre Orbion, Hervé Pian, Serge Barcellini, Michel Ballard, Jean-Pierre Arbulot, Françoise Braudel et Marcel Détienne. Texte de Fernand Braudel lu par Claude Aufort. Prise de son Arthur Gerbeau, Étienne Leroy, Pierre Monteil. Mixage Benjamin Vignal. Attaché de production Diane Lamant. Réalisation Franck Lilin. Grande traversée, Fernand Braudel, l'historien monde par Philippe Petit. Demain, dernière matinée, cinquième matinée consacrée à l'historien Fernand Braudel. Nous serons à Paris. Nous visiterons la maison des sciences de l'homme. Nous nous rendrons dans le bureau de Fernand Braudel au deuxième étage de la maison et nous discuterons amplement de l'enseignement de l'histoire et aussi un peu de la géographie dans le secondaire, mais aussi de l'enseignement de la recherche.